Je m'appelle Koé, il y a toute l'équipe qui est là. Et il y aura Kinvé qui sera avec nous, pas demain. Non. Mais on le décale de 2-3 jours. Bientôt, ouais. Il s'est fait opérer, ma petite femme. Oh, je lui fais un gros bisou à Kinvé. Vous avez vu, elle est... Non, ça va pas. Ben non, opération du sexe, raccourcissement. Raccourcissement. Il a pas besoin de ça. C'était beaucoup trop long, beaucoup trop long, beaucoup trop long. J'ai fait la même opération, je sais ce que c'est. Ah, on se sent mieux avec 22. Hein. Ah, bien sûr. C'était à la moitié du coup, tiré. Mais bon, la moitié. Ça a rempli une grosse étagère chez le docteur. C'est bien, on démarre bien. Mais oui, oh, et ça va, on pense ça, non? Bon, Julie, t'as fait tes excuses pour tes propos limites de vendredi? Oui, bien sûr. Bien fait défoncer par la direction. Ouais. Bien pris dans ta gueule. Hein. Je dirais pas que beaucoup de gens étaient d'accord avec moi. C'est pas Julie qui l'a défoncé, c'est la direction. Ouais. Et ils ont eu raison. Je te l'ai dit pendant que tu faisais ton avis en disant moi je t'ai dit non. Écoute, si on peut plus donner son avis. Eh ben, on ne peut plus. Maître Gims sera notre invité avec ton papa. J'adore Maître Gims. Il y aura Epi dans quelques jours. Ça, j'adore cette voix. Ah, magnifique. Zao, c'est cette semaine. Julie? Non, arrête, c'est bon. Il y aura Ken Jones. J'adore ce morceau de Ken Jones. Et bon, on a dansé tout l'été là-dessus. Coco. Et dès que vous entendez le double hit 21 Pilot et Nash, vous pouvez gagner un truc. Qu'est-ce que vous gagnez? Les places pour aller au concert de One. Ouais. Tout frais payé, transport, hébergement et tout, qui va être un concert événement. Ouais. Il y aura le concert et tout, et voilà, vous allez pouvoir avoir tout, ce sera le 17 novembre au Zénith de Paris. Mais pas tes doigts devant moi, je vais te taper. Allez, arrête, fais genre ton intéressant. Loris, c'est genre parce que... C'est l'emploi fictif genre, qui veut se rendre intéressant. Ouais. On dirait un chef de gars, il fait une trainte, allez vas-y, c'est là. Mais... Ça va Julie, tu as passé un bon week-end? Très bien. Pietre aussi? Ouais, nickel. Guiguette, comment ça va? Aussi, parfait, ça va. Bon, et toi? Bienvenue, ouais, ça va bien. L'équipe, bienvenue, vous avez raison de nous écouter tous les soirs, on est numéro 1 grâce à vous. Merci à vous, et vous avez raison d'écouter la radio et d'écouter Énergie, parce que j'ai zappé cet après-midi sur la télé, je l'ai tweeté d'ailleurs. Ah oui, j'ai pas compris. Est-ce que tu peux nous expliquer ton tweet? De qu'est-ce que j'ai dit? Non, je sais pas, avec les smileys vénères là. Vas-y, dis-le, Lolo. Pas vénère, j'ai dit que je regardais un truc marrant à la télé, que c'était pas censé être drôle. J'ai regardé les fins d'après-midi de France 2. Ouais. Avec un mandat et machin et tout. Et en fait, c'est de la télé du câble, France 2 maintenant. Pourquoi? Bah parce que c'est pourri, en fait, excusez-moi, mais ça n'a rien de méchant. Mais c'est pour les vieux. Après, les vieux ne peuvent pas regarder ça, c'est pas des trucs pour les vieux. Les chiffres et les lettres, c'est pour les vieux. Ouais. Télématin, c'est pour les vieux. Ouais. Mais pas ça. Et c'est un truc, de quoi tu parles? C'est un truc, mais vous avez pas vu un truc qui s'appelle Amanda? Fin de journée? Non. J'ai vu la bande annonce, moi. Interview massage, interview tir au but, mais c'est pourri. Ah bon? C'est Oh là là. Fais gaffe, t'as la direction de France 2 qui va te faire un mail pour te remonter les bretelles. Ils le savent, ils ont vu les scores tous les jours, personne ne regarde. 200 000 personnes! 200 000 personnes! Ah oui, effectivement. C'est horrible. Après, Tomato Road, pire. Ah, tout l'ensemble, là, le paquet. Ça marche pas, ça, Tomato Road? C'est pire. Autant de. Oh là là, j'ai regardé ça, j'étais dans mon bureau, j'étais affligé. Autant d'argent qui part pour si peu de gens. Et puis, tant qu'on est dans la rigolade, j'ai vu une photo de Zaya. Je sais pas si vous êtes fan de Zaya dans le public. Moi, j'adore. Pietre qui adore. Eh bien, oui, toi, mais pas pour les mêmes raisons que les filles du public, peut-être. Oui. Mais Zaya a publié une photo d'elle depuis son lieu de vacances sur Twitter. J'ai vu. Et c'est Zaya, photo d'elle au naturel. C'est vrai qu'on la voit toujours très maquillée. Ouais. Et là, c'est au naturel. Eh bien, je suis donc dans moyen de. Je peux vous le révéler. Zaya au naturel, c'est Walking Dead. Donc, on est d'accord. C'est un peu ça, ouais. Ou c'est ce qu'on appelle le tour au naturel. Non, là, t'es mauvais, là, t'es méchant. Ah, non, si, non. Non, parce qu'elle reste comme elle est, mais c'est vrai qu'on est tellement. Elle a une tête bizarre. Mais arrêtez de dire du mal tout le temps. Elle est tellement habituée à avoir tellement de maquillage que là, quand tu vois 100, tu fais un petit. Mais bon, c'est vrai que. Non, puis on n'est pas habitué à la voir de portrait comme ça. C'est pas ça que tu regardais le plus. Voilà. C'est ça, oui. Ce soir, dans l'émission, il y aura le J'ai un service à te demander pour voir si vos amis sont vraiment vos amis. Le super jeu, le devine qui c'est, le qui veut épouser un membre de l'équipe. On aura un défi tout à l'heure avec Loris, qui on fera un truc, je vous expliquerai. Et on aura le Jacadis. Le Jacadis, ce sera un truc pourri. C'est un truc débile en fait à faire. Hein. Je peux vous le dire. Et c'est Jacques qui décide. Tout à l'heure, je peux vous dire ce que c'est. Non, je vous dis pas. Je vous dis juste, ce sera un truc qu'on fera en boomerang. Ce sera un truc qui fera pas plaisir à celui de l'équipe sur qui ça tombera, mais qui fera rire ceux qui le regarderont sur l'appli. C'est un peu ça, ouais. Et au passage, comme c'est pas nous qui allons le dire, ce sera le Jacadi. On appellera un Jacques au hasard en France. C'est lui qui décidera. Voilà. Aujourd'hui, nous célébrons également une nouvelle réalisatrice. Oui. Ah, je crois que c'est un jour un réalisateur. Mais en oui, fait, c'est ici, une nouvelle émission, un jour un réalisateur, puisque celle de la semaine dernière que l'on embrasse a donc été brûlée sur la place publique d'énergie ce week-end hein, pour faute grave. On a pris la notice de la console puis on a allumé le feu avec. Alors allez-y, présentez-vous, mademoiselle. Prochaine victime. Bonsoir. J'ai très peur du coup. Non, ça peut pas être pire. Mathilde, ça va Mathilde? Mais ça va très bien. Bienvenue chez nous. Tu vas voir, on est très sympa. Je suis en intérim, moi. On vous a pas dit. Il y en a une autre encore. Oui, voilà, bien sûr. Elle veut pas rester Mathilde. Si vous êtes réalisateur, envoyez vos CV. On cherche. Oui, c'est ça. On cherche. Bon, on fait un gros bisou à Lucie. Ça va, ma chérie? Un petit bisou rapide. Bonjour. Ça va, Lucie? Oui, ça va. J'ai un coup de gueule à passer. Attends, bouge pas, Lucie. On nous voit encore sur Facebook Live ou c'est fini? Très bien. Ouais. Ah, mais fallait le dire. Je dis pas du bonjour. Moi, j'ai dit bonjour. À ceux qui nous regardent. On fait les premières minutes de l'émission sur Facebook Live. Coé officiel, allez faire un tour. Vous allez nous voir. Vous allumez l'ordi, vous nous verrez en temps réel. On fait coucou. C'est quasiment instantané. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le coup de gueule? On va pas commencer le lundi par un coup de gueule. J'ai un coup de gueule à passer parce que les études, ça coûte beaucoup d'argent en fait. Ah, bah oui. Ah, mais moi, quand je serai président, je mets tout ça gratuit. Parce que je vous ai pas dit que je voulais être président. Si. Je serais président. Ah bon? Mais tu veux te présenter? Ouais, t'as beaucoup de trucs bien, mais en fait, tu vas aller chercher l'argent pour, où pour tout ça? Écoutez, tu crois que ceux qui sont en place en ce moment, ils se posent la question? Non, alors, ils ont des trucs pas bien et ils vont pas chercher l'argent. Voilà. Alors, bon, et à un moment donné. Donc, quand je serai président. Ah, t'as raison, c'est vrai que c'est cher. C'est vrai. Quand tu cumules le logement, le machin, le truc, les transports. Mais ils évaluent les trucs à 2000 et quelques euros, ça sort d'où ce chiffre? De quoi? La rentrée scolaire, la rentrée pour un étudiant, je sais pas quoi, c'est 2000 euros, mais ils se basaient sur quoi? Ils mettaient tout. Les bouquins, les transports. Putain, tes voyages scolaires aussi à faire. Oui, voilà, oui. Putain, ça coûte cher. Alors, je vais pas changer grand chose. Je ne suis pas encore président. J'ai pas eu de bol. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la semaine prochaine, à partir de lundi, mademoiselle, tu vas être contente. On va vous offrir des packs de fous. Je vous en parlerai plus. Oui. Dans lequel il y aura à l'intérieur, pas un cadeau, mais plein de cadeaux. Plusieurs cadeaux. Ah, trop bien. Qui vont vous servir, vous étudiants. Qui vont de la tablette en voyage, en moyen de locomotion. Il y aura des télés, il y aura des permis de conduire. Il y aura des permis de conduire. On va offrir des permis de conduire à partir de lundi dans des paquets. C'est bon, non? Ouais. Je vous en dirai plus dans les jours qui viennent. Gros bisous, ma belle, je t'embrasse. Gros bisous. Bisous, ma Lucie. Damien, dans 2 minutes, ça va, mon Damien? Allô? Il paraît que t'es stressé. Ah, bah oui. Eh bah, déstresse-toi, t'as 2 minutes après le copain de Julie et Maître Gims qui sera notre invité la semaine prochaine. Restez avec nous, on est lundi, tout va bien. Que faire de tout ce qu'ils disent? Le guide a changé. On entend le bruit de ta caisse quand tu passes au quartier. Tu contrôles toute la zone depuis les Champs-Élysées. 700 chevaux. Pile poil de quoi quitter la ville. Les mecs m'embrassent comme si j'étais la mif. Ta sœur est belle, tu forces la bise. Je chante depuis Brigade Gassabali. Pousse-toi de la lance, puis passe par ici. C'est plus Denis, mais Aziz la malice. Ça casse plus vite, on s'en profite de la manif. Les petites grimaces, les puissances. Plongé dans le monde de la nuit, de l'envie, des ennuis. Protège bien tes arrières. Regarde dans mes yeux, ce n'est pas la joie. Je garde la foi, je suis le chasseur, t'es la proie. Ça va être toi, seul je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je vais m'asseoir. À croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui tout battait, hier ça a tiré. Y'a personne dans le quartier. J'ai tourné tout seul comme un fou dans les rues de Marseille. Je vois les gens essayer d'en tirer. Ils voulaient me la faire à l'envers, il est beau. J'suis pas le number one, mais j'écris, j'ai les gros. Album sur album, du les gens. Toute la jouer d'Arcy. Hey. Coé, 19h-22h sur Énergie. Dingue, dingue, dingue. On est sur Énergie. Bienvenue tout le monde. Je sais madame, j'espère que vous êtes en forme, que le public est en forme aussi. Ça y est, on est reparti. On l'aime bien, avec, on l'aime bien, on l'aime bien. Dès qu'on fait régulièrement, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, qui ne connaissaient pas l'émission, je m'appelle Coé, tous les soirs, 19h-22h, on est là. Et dès qu'on s'ennuie un petit peu... Ça fait toujours rire, ça fait toujours, on se sent mieux. J'ai une info terrible avant qu'on ait Damien au téléphone. Baisse la musique un petit peu, j'ai l'impression d'être en discothèque là. Pardon, pardon. Hey. Je suis pas habituée. Dans un instant, qu'est-ce qu'on écoutera dans un instant? Closer de Chainsmokers. Oh, tu le fais bien. C'est The Chainsmokers. Voilà. J'apprends un truc terrible, les garçons, je m'adresse à vous. Et notamment, par définition, je m'adresse aux filles juste après. 42, c'est le nombre de bactéries qu'on peut trouver sur le pénis d'un garçon. Mmh. Oh. Ah, c'est 42 bactéries différentes. C'est pas 42 petites bactéries, ouais. Parce que là, vous pourriez dire, oh, mmh. Vu la taille du zizi, 42 bactéries, c'est tellement rien. Ça dépend du zizi. Bah, 22. Donc, alors que non, 42 bactéries différentes. Différentes. Donc là, les médecins ont donné cette info qui est absolument hallucinante. J'en aurais pu être médecin pour le dire. Ils ont dit lavez-vous souvent. Oui, on n'y avait pas pensé. Bah vaut mieux, oui. Non mais bah, je sais pas. À un moment donné, tu te laves plus. Tu mets un canard WC que t'accroches à ton zizi toute la journée. C'est pas con. Ah mais oui. Mais il y a que ça à faire. Bon, on fait un bisou à Damien. Damien. 15 ans, un peu alors attends, je fais les réglages. Un petit peu fort également cette petite sonnerie de téléphone. Voilà. Moins fort la prochaine fois. Oui, c'est vous êtes bien gentil. Elle se règle. S'il y en a une prochaine fois. C'est gentil. Enfin, la prochaine fois, bien sûr. Sinon, tu sais, on va faire comme l'autre. On va t'enterrer dans le jardin d'énergie. D'accord. C'est-à-dire, on commence à faire une fosse commune. Là, on met tous les réalisateurs. Je vais prévenir ma mère quand même au cas où. Qu'elle s'inquiète pas. Oui, elle t'entendra plus. Elle dira ah, on sait ce qui lui est arrivé. Damien, 15 ans à Vernon. Mon pote, il paraît que t'es stressé. Ne sois pas stressé. Qu'est-ce qui se passe? Il nous a envoyé un mail, il me dit j'ai un souci dans mon lycée car je suis roux. Un message sur Facebook, ouais. Ah, c'est sur notre Facebook? Ah, c'est le problème des roues avec toutes les vannes qu'il y a. Ah oui. Ça se fait encore les vannes sur les roues? Sur les roues, alors, ouais, c'est ce que sauf le roux barbu. Hipster. Le roux barbu hipster, il cartonne tout. Mon pote, ouais, enfin, au collège, le roux barbu. Au collège, déjà, s'il est barbu au collège, c'est qu'il est resté longtemps. Hein. Bah, il s'achète une fausse barbe. Non, le roux barbu au collège, il n'y en a pas. À la limite, quand t'as 20 berges, t'es en fac, le roux barbu devient tendance. Ouais. Mais au lycée, à mon avis, on se fout encore de toi. Et bah, tu te coupes des cheveux et puis tu te les mets à la barbe à la place. Attends, il y a roux et roux. Tu veux dire, tu peux être légèrement rouquin ou le très, très, très, très roux. Est-ce qu'on te voit dans le noir? Est-ce que tu brilles? Non. Moi, la photo que tu m'as envoyée, tu fais pas supra roux. Ah, un peu quand même. Hein. Bah, excuse-moi. Ouais. Non, mais là, avec les reflets comme du soleil, Guillaume on voit pas trop. Quoi. Mais Guillaume, le stagiaire, il est roux aussi. Hein. Non, il a la barbe rousse. Ouais. Il a la barbe rousse. Je suis Auburn. En l'autre, quand il se la raconte, on dirait une femme qui sort du salon de coiffure. Je suis Auburn. Mais c'est vrai, il est barbe rousse. Lui. Auburn. Non, toi, c'est là. Non, pas blond vénitien, c'est pareil. T'es roux, mec. Arrête de mettre des mots. T'as la barbe rousse. Non, mais enfin. Assume ta rouquitude. T'es roux. Il n'a rien à voir. Mais t'as une rouquitude, c'est pas grave. Enfin, tu vois bien que s'il y a bien une équipe qui ne te moque pas et qui ne fait pas de si bien la nôtre. Ouais, j'ai vu ça, j'ai remarqué. Pourquoi on s'est foutu de la gueule de ton corps de merde, pas de ta attitude. Mais tu m'as inventé un zozotement qui n'existe pas. T'es pas de que tu parles, du blond vénitien, mec. C'est la protéine qui fait comme ça. Ouais, la prod, la muscu. Attends, tiens, prod. Photo Instagram. C'est ton corps dont on s'est moqué, c'est pas ta routitude. Enfin, on se moquerait pas de ça dans l'émission. Ta routitude. Toi, t'es roux. Mais on voit pas bien sur la photo, Damien, t'es roux-rou. Sors, les pigeons. On l'a fait à deux. Non, pas roux. Un petit peu roux, quoi. Un deux roux? Ouais. c'est un scooter, ça. D'aller faire toutes les vannes. C'est ce qu'il a dit. Eh ben, moi, je trouve qu'un petit peu roux, ça va. Ça va des fois. Même un peu, ça y va quand même. Hein. Bah alors, vas-y, une fois quand t'as fait quoi comme vanne? Il va pleuvoir, blablabla, l'odeur, non, c'est quoi? Non, allez, admettons une qu'on m'a sortie souvent. Tu sais ce qu'il faut jamais dire à l'enterrement d'un roux? Non. Ah, bah, il a crevé. Oh non, c'est pourri ça. Si, c'est drôle. Non, mais c'est, quoi, c'est une vanne de collège ça. Ah ouais, j'avoue. Ouais. C'est encore, c'est une vanne de tu rentres en 6ème. C'est hardcore. Oh, ouais, on pas crevé, hardcore. C'est un peu tiré par les cheveux quoi. Mais quand tu le dis au mec, il est pas mort donc ça va. Oui. Ouais, non, mais faut pas le dire à l'enterrement d'un roux. Ouais, oui, là, c'est limite. Mais tu sais quoi, à mon avis, les vannes, je suis sûr que t'es déjà blindé et que t'as déjà tout entendu. Ah bah à limite je pourrais en écrire un bouquin. Ah voilà, tu sais moi j'ai eu les vannes de je perdais mes cheveux quand j'étais au lycée. J'avais donc les vannes. Bah, rigolo, dès le lycée tu perdais tes cheveux. Mais oui mec, j'en ai pas, j'ai pas jamais c'est eu. Dur, ça, hein. Jamais eu une grosse touffe et j'ai voilà. J'ai une grosse touffe. Mais il y en a plein qui nous écoutent qui ont 19 ans et qui commencent à. Ils voient bien qu'il y en a plus beaucoup et tout. Ça, y en a plein, ça arrive tôt. Hein. Tu ne perds pas tout d'un coup, mais tu vois bien que ça n'a plus de masse. Ouais, non mais voilà, mais c'est pas grave, tu te prends des vannes. Moi je me suis pris des vannes parce que j'étais petite. Eh ben voilà, ça change pas. Franchement, non, ça change pas. Comment ? À la longue, ça devient chiant. C'est chiant, ouais, mais tu t'y fais. À un moment, bon, une fois que les gens ils ont. Si c'est et puis ça peut devenir un plus pour le coup d'être roux. Je te dis, dès que t'as la barbe qui pousse, laisse-la pousser, mec, et tu viendras tendance. Mais il faut que t'attendes un petit peu. Ça sera peut-être plus tendance dans 6 ans. Ouais, ouais, c'est ça aussi le problème. Ouais. Ouais, parce que moi, déjà, le look, je commence à avoir du mal aussi. J'ai envie de leur dire, allez, mec, arrêtez, c'est bon. Bon, je te fais un gros bisou, mon copain, d'accord ? Ok. Hey, tu fais un très beau dab sur ta photo de Facebook. Non mais attends, tu crois que je t'ai pas gaulé la petite photo en mode Non, c'est du Sandball ça, non? Non, c'est quoi? C'est quoi le... pas voir d'ici. Ouais, c'est un dab. C'est un dab. Oui, bah Pogba, il fait un dab. Ouais, bah, oui, tu peux mettre une Pogba, c'est une Usain Bolt, tu mets ce que tu veux. C'est... Bon, ça vient de me donner une idée dans un instant. Il y aura un truc avec un dab, je vous en parlerai. Ouais. D'accord. D'accord. Allez, okay. Faites-moi penser juste après, dans un instant, à commencer l'émission avec ça. Damien, vas-y, dis ton bonjour. Tu peux faire une dédicace? Bah oui. Dédicace à mon meilleur ami Théo. Ah bah par contre si il y a pas l'intro. Remets au début. Attends, ta meilleure amie Théo, remarque, ça aurait pu s'arrêter là, c'était oui. Court Théo. Et qui d'autre? Mon père Douan, à ma mère qui m'a mis au monde. Remets au début. Et puis il y a mon frère qui peut pas m'entendre actuellement que je pense. Et je t'embrasse. I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls, now you're looking pretty in a hotel bar and shoulder, pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. You look as good as the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Pink 182 song that we beat to death in Tucson, okay.

Shawn Mendes, energy.fr, continuez de vous inscrire. Gros carton. Hein. Pareil pour avoir le range ta chambre. Oui. Ça y est, on va lancer demain ou après-demain le Coé range ta chambre. Ouais. Ça veut dire que vous allez pouvoir vous inscrire et si votre chambre est en bordel, je pourrai venir chez vous avec l'équipe et on rangera votre chambre. Attention, voilà. On range, on fait pas le ménage, je tiens à le préciser. On fera un peu aussi. Oh non, tu feras les carreaux, on va être obligé de racler le sol. On range, on fera un peu de ménage et on mettra des petits cadeaux dans la chambre. Il y a quelqu'un au deuxième mois qui me fait oui. Depuis tout à l'heure, en me disant oh oui, oh là là, oui, passe le micro. Il y a besoin de venir ranger ta chambre. C'est quoi votre prénom? Ah, faut allumer le micro. Ah oui, c'est peut-être pas lequel bouton. C'est là-bas. Alors on me dit c'est là-bas, il faut allumer le micro. Voilà, non, il me dit que c'est ici. Très belle partie de tennis. Là, on me dit que non, c'est pas là. Là-bas. On me dit que c'est là-bas. Attention, donc nous allons peut-être avoir un troisième technicien qui est en train de regarder. C'est les piles du micro. Ah, c'est peut-être les piles. Alors prénom. C'est bon. Merci. C'est normal. À la maman, c'est quoi le prénom de la jeune fille? Nolwenn. Ça va, Nolwenn, sa chambre, c'est le bordel? Le mot est faible. Ah merde. Genre, il y a des animaux vivants sous les trucs qui vivent. On les voit même pas d'ailleurs. Oh, ils sont non. cachés. Nolwenn, ta chambre, c'est le bordel? Prends le micro. Non, c'est pas vrai. Ah, visiblement, elle si. Assume pas. Si, mériterait un petit coup de rangement. Ah, mais du coup, les mamans peuvent s'inscrire pour leurs enfants. Comme ça, on leur fait la surprise. Voilà. Et ce qu'on fera, c'est qu'on fera comme pour le toc toc toc, on viendra en mode surprise. Ouais. Et on viendra ranger votre chambre. Et on fera un toc toc toc avec un artiste bientôt. Oui. J'attends juste que Julie me donne un nom et une date. Ouais. Pas comme si ça faisait deux semaines. C'est pas comme demandé. Si t'avais un planning ultra chargé non plus. Mais arrête, Julie, mais moi j'y vais quand vous voulez, moi faire des. Qui va venir. On a le temps de faire un devine qui c'est. Ouais. Allez, appelez-moi de la Henriette. Et on coupe sur le Facebook et on vous fait un bisou. Vous avez été super nombreux d'être avec nous. Guinoiseau, du coucou à tous. Féfé Saint-Jean dit bonsoir tout le monde. Tu baisses un petit peu. Voilà, merci. Je crois que tu as un problème de surdité. Je crois. Je travaille avec des vieux. Très fort. Je travaille avec des vieux. Avec des morts même à la limite. Je pense tellement ils n'entendent plus. Attention. Henriette, on lui dit juste devine qui c'est. Ah, on a une double soirée là, non ? Ouais. Fais un bisou à Léna Collin qui dit fait trop chaud. Oui. Allô ? C'est Henriette ? Oui. Bonjour, devine qui c'est ? Devine qui c'est ? Juliette. Oui, c'est Juliette. C'est Juliette. Ça va ? Oui. C'est Juliette. Oui, j'ai compris, ça y est, oui, c'est Juliette. Oui, oui. Comment ça va ? Ben, ma foi, entre les deux, je suis pas bien, je suis fatiguée. Il fait chaud, hein ? Il fait tellement chaud, j'ai dit, mais j'en peux plus, j'ai le ventilateur qui marche toute la journée. Il fait chaud comme dans le trou du cul d'un Je me suis levée ce matin, j'étais fatiguée en me levant. Ben, oui, c'est pas de moi, hein. Et hier soir, tu t'es couchée fatiguée ? J'en peux plus, hein, moi aussi. Ah, une chaleur. Pouh. Oh, c'est trop, mais ça. C'est trop. Mais oui, j'ai regardé. Mais oui, Louis Baudin, j'ai vu la météo, il a dit il va faire encore plus chaud. Encore plus chaud, oui. Oh là là. On se demande comment on va faire, hein. Ah ben, à la campagne, vous devez être bien. Oui, heureusement qu'on est à la campagne. Vous avez plus d'air que nous quand même, Juliette. Ah oui, il y a de l'air. Parce que moi, l'air, vous savez, à part le balcon de là. C'est oui. Et j'espère que tu bois, hein. Faut boire. Le grand balcon, on n'a pas beaucoup d'air, hein. Bah oui, j'en fais. Faut boire, hein, par contre, hein. Faut boire de l'eau. Hein. Ah oui, je bois. Mais faut pas mettre que du Ricard, faut boire de l'eau aussi, hein. Ah oui, mais je bois de l'eau. Ah. Ah, parce que je bois plus de l'eau, moi. Vous savez, l'eau, j'en bois. Hein. Avec, j'y mets du citron dedans. J'achète des petites bouteilles de badois. Oui. Et j'y mets du citron dedans. Et oui, de l'eau, parce que le badois, j'en bois pas trop. Ben hein. Alors pourquoi t'achètes de la badois ? Voilà. Eh bien, j'achète de la badois parce que, ma foi. Eh oui. Voilà. C'est moins lourd que l'eau du robinet. Mais vous aimez pas ça ? Non, j'aime pas. D'accord. Bah, faudra acheter de l'eau que vous aimez. Oui, sûr. Ben oui. Mais moi, je bois beaucoup de l'eau du robinet avec de l'eau. Oh là, c'est bien de l'eau de robinet avec de l'eau. C'est un bon mélange, ça. Ça, c'est avec bien. Avec du citron. Je me fais des nœuds. Ah bah oui, alors bon, bah je vais vous faire un gros bisou, Henriette, d'accord ? Moi aussi, je vous fais un gros bisou. Attention, il va encore faire chaud pendant 2 jours, hein. Oui, c'est vrai, d'accord. Allez, ça va aller, je t'embrasse. Moi aussi, je vous fais un gros bisou. Au revoir, bisous qui piquent. Bisous de Juliette. Bisous qui piquent. Oui, c'est elle qui pique. Allez, on est sur Énergie, elle m'a reconnu. Ouais, elle est persuadée que c'est Juliette. C'est ça, et bien voici Claudio Capéo sur Énergie. Tout va, on est lundi, dans un instant, du dab. Je vous explique comment on fait. Du dab. Et il y aura la suite de nos conneries dans un instant. Si je m'endors, me réveillerez-vous. Il fait si froid dehors, le ressentez-vous. Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout près, c'est j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, prennent le temps, ne font que courir. Merci. C'est dur, je confesse. Moi je vais m'en sortir, je l'atteste. Toujours avoir un toit, une adresse. Si de toi à moi, c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire ? À part l'ivresse comme futur, que tes promesses en veux-tu ? Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe. Mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. M'en veuillez pas, mais parfois, j'ai qu'une envie abandonnée. Si je m'en dehors, le ressentez-vous. Il fut un temps où j'étais. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jete pas la faute. Ne me ferme pas la porte. Ça va rien changer. Ils se prennent la tête depuis le 1er août. Koé, 19h, 22h, sur Énergie. C'est dur. C'est très très dur. Très très dur. Dans la série, ça peut vous arriver. 19h36. Qu'est-ce qui se passe? Faites très attention quand vous vous asseyez chez vous sur un tabouret. Peut-être qu'il y en a qui nous écoutent là en ce moment et qui écoutent Énergie. Ouais. Et, tu sais ce que je veux dire? Ouais. Et qui vont s'asseoir, et peut-être que vous sortez de la douche, vous êtes là, vous êtes chez vous, vous êtes tout nu. Ouais. Du tiens, je m'assois. Je peux, je suis tout nu. Oui, bah oui. Il y a des trous dans les tabourets. Un Norvégien s'est coincé le testicule dans un tabouret Ikea. Mais non. Mais c'est pas possible. Le mec, en gros, il s'est assis, je sais pas, il devait y avoir un. Là, il y a un trou dans le tabouret. Il y a un trou dans le tabouret, ouais. Et il s'est coincé une couille dans le. Ça va faire mal. Ah ouais, tu te relèves. Ouais, non, tu relèves avec le tabouret surtout. Ah. C'est ça. Bah oui. En pendant. Mais oui. Et va porter plainte. Tu dis bonjour, je vais porter plainte. Le flic, il dit bah asseyez-vous. Tu dis non, j'ai déjà une chaise. Le bout de ma couille. Le problème, c'est qu'elle est au bout de ma couille. Et c'était pas prévu comme ça. Mais c'est ça le pire. Attention, le qui veut épouser un membre de l'équipe, tout le monde dit bonsoir à Lynn. Bonsoir Lynn. Bonsoir Lynn. Ça va ma chérie? Oui. Oui. Est-ce que t'aimes bien Ken Jones? Si tu connais, t'aimes bien cette musique? Ah oui, j'aime bien, oui. Ah, c'est un dernier, ma friend. On l'écoutera après? Oui. Non seulement on l'écoutera après, mais il vient nous voir dans quelques jours. J'adore ça. Et si vous voulez un iPhone 7, écoutez-nous dès qu'il y a le double hit entre Nash et 21 Pilot, 21 Pilot Nash, iPhone 7 ou le concert pour aller voir 21 Pilot au Zénith. Ça se passera au 611-12. Et ça peut tomber ce soir. Je ne vous l'ai pas dit. Est-ce que t'es prête pour le qui veut épouser un membre de l'équipe? Oui. Tu habites où? Où est-ce que tu habites? Tu habites où? Tu vois où est-ce que tu habites? T'habites où? Où est-ce que tu habites? À la Roche-Bernard. La Roche-Bernard, c'est où ça? C'est où ça? En Bretagne. En Bretagne. Ah oui. Ah oui? Tu vois où? J'ai déjà entendu ce nom-là. Ouais. J'adore ce mec qui se raccroche à la conversation. La Roche-Bernard, c'est en Loire-Atlantique. Attendez, excusez-moi, c'est dans le Morbihan. Non, c'est juste en dessous. Excuse-moi, elle y habite. Vas-y, engueule là, elle y habite, elle voit le panneau tous les jours. C'est dans le Morbihan. Non! Enfin non, c'est la limite entre la Loire-Atlantique et le Morbihan. Oui. C'est Herbignac, pardon, qui est en Loire-Atlantique. Oui, juste à côté. Oui, je viens du coin, pardon. Ah, c'est pour ça. Oui, parce que pour connaître Herbignac, faut venir du coin. Herbignac. J'adore les nombres. Sur la route de Vannes. J'ai déjà regardé des tournées d'artistes, personne passe par Herbignac. Non, Herbignac. Arrête c'est un peu perdu. D'accord, très bien. Au fait, qui êtes-vous? Mathilde Enchantée. Mathilde Enchantée, c'est votre nom, Enchantée? Qui vient de Herbignac. D'accord, c'est vous la nouvelle réalisatrice? Oui, il paraît. Ah, d'accord, ok, très bien. Bon. Voilà, vous levez la main la prochaine fois que vous parlez, d'accord? Pardon. Non, rien. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui? Oui, je lève la main. Ah, c'est bien, vous l'avez fait, excellent. Lynn, on va appeler qui? Tu vas lui faire croire que tu es amoureuse de qui? Je vais appeler mon papa. Je crois que tu as une porte qui grince chez toi. Ou il y a un film d'horreur. C'est ma mère qui vient de rentrer dans ma pièce. Discrètement. Bon, et tu vas appeler ton père et tu vas lui dire que tu es tombée amoureuse de qui? De Guéguette. Ah, c'est normal. Ah, ah oui, elle a 17 ans. Hein. Alors, donc tu vas dire que tu as rencontré Guéguette, tu as 17 ans. À mon avis, ton père va gueuler. Vous avez fait des cochonneries. Ah, bah oui, parce qu'il vous aime pas. D'accord. Ah, ça, c'est bien ça. Ça démarre bien. Ouais. C'est un bon lundi. Et donc, tu vas dire que vous avez déjà fait l'amour et tout, évidemment, hein, que Guéguette, c'est chaud patate. Ouais, 17 ans, on peut parler de sexe. Et toi, Guéguette, ensuite, tu seras un très gros con. Elle sera mal à l'aise. D'accord. Et il va se faire pourrir par maman. Ouais. Ta femme va te pourrir ? Non. Non, elle est cool là-dessus. Bah oui. Ah, c'est que c'est faux. Bah oui. Bah oui. Mais ton père va me pourrir. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah bah oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu dis ? Non, il y a ma mère, en fait, qui voulait écouter, mais voilà. Ah non, c'est gênant, tu as ta mère de sortir. Qu'elle nous laisse entre nous, enfin. Eh, rigole pas trop, hein. Oui, sois sérieuse. Ouais, parce que là, je sens le pouffement. Là, je te sens trop morte de rire. Ouais. Il faut que ton père, tu lui dises. Mais ma mère, elle a fait le super jeu avec vous. Ah bon? Écoute, alors, oui. Je suis très content d'avoir la famille. On va vite appeler ton père avant qu'il fasse tourner la Sky Roulette sur une autre radio. Et puis, on va y aller. Bon, t'es prête ou pas? Ça y est? Rigole pas, tu rigoles là. Non, rigole plus. Mais faut qu'elle parte, ma mère. Bah, comment s'appelle ta mère? Elle veut pas faire ce qu'elle dit? Qu'elle y aille? Delphine! C'est bon, elle est bon. Ah, on entend la porte. Ce qui est bien, c'est que dans cette maison, tu peux pas tricher. Non. On appelle ton père. C'est parti. Ne ris pas. Okay. Ne ris pas. Respire. Je sais pas pourquoi il nous aime pas. Bah non, bon jugement Julie. T'as ça. J'ai l'impression de regarder un Sherlock Holmes. Il n'y a pas de... Oui, allô? Oui, papa? Oui. Oui, ça va? Et toi? Bah ouais, par contre j'ai un truc à te dire en fait, mais je sais pas si tu vas bien le prendre en fait. Bah tout dépend ce que c'est. Bah tu vois, je suis plus avec Clément, j'ai rencontré un gars. Oui. Et bah en fait il est super connu, mais bah tu connais dans l'équipe où il travaille, mais t'aimes pas la personne qui travaille avec lui. Il travaille dans l'équipe de cours. Qui j'aime pas? Bah t'aimes pas quoi, mais t'as un gars qui travaille avec lui, ça peut être bébé. Je comprends pas bien ce que tu me dis là. Bah en fait tu peux me dire au rêve dingue en mourant, dans le gars. Travaille dans l'équipe de Cambrai. Oui, celui-là avec qui t'as été à Cambrai. T'as entendu? Oui. Ouais, donc... Je peux pas dire que je le connais pas. Ouais, mais en fait, je vais arrêter mes études pour aller vivre à Paris avec eux, bah avec lui, parce que je suis amoureuse, quoi. Je l'ai rencontré quand il était venu à Nantes, quoi. Il était avec lui et je l'ai rencontré là-bas. Ouais. Et Koé, il a quand même mon âge, non? Mais c'est pas Koé, c'est Guéguette, un gars qui travaille avec lui. Je connais pas celui-là. Bah non, bah en fait, Koé est dans une équipe et puis il y a plusieurs personnes, et voilà. Je sais ce que c'est qu'une équipe, hein. Je suis chef de cuisine, je sais ce que c'est qu'une équipe. Voilà, Et donc tu vas aller faire quoi avec ce gars-là? Bah je vais aller vivre avec lui parce que bah je suis la dingue amoureuse, quoi. Ça fait un peu longtemps que je le connais. Et puis je comptais aller vivre avec lui. Bah et longtemps, à l'échelle de ton âge, ça veut dire quoi longtemps? Bah en fait, il y a toutes les filles qui le veulent et moi je le veux, donc je l'ai eu, donc voilà. Ah bah après, ce que tu veux, il y a ce que tu veux et ce qu'on peut faire. Bah... Ouais, mais après, je vais aller vivre avec lui parce que... Oui, après quoi? Bah, il m'a promis plein de choses et en plus, il fait le métier que je rêverais faire. Des promesses, voilà, c'est des belles choses. Après, faut pas que tu te laisses aveugler par les feux de la rampe. Tu parles à qui? Ouais. Raccroche ton téléphone, à chaque fois t'es au téléphone, t'es relou. Bah, je suis avec mon père. Ah, mais on s'en bat les couilles de ton père, raccroche. Bah ouais. Qu'est-ce qui est derrière toi là? Qu'est-ce qu'il dit? Bah, c'est lui. Je suis avec lui là. Donne-moi le téléphone. Ok, bah je te le passe. Si t'es avec lui, tu me le passes. Allô? Oui. Ouais, c'est bonjour. Qui? Bonjour. C'est qui? Bah, je suis le père de Lynn. D'accord, tu peux rappeler dans quelques minutes parce qu'on est un petit peu occupé, quoi. Et tu nous saoules. Enfin, vite fait, pour te dire simplement, tu me casses les couilles. j'ai autre chose à faire quand je vois ta fille que tu passes ton temps au téléphone. Donc si c'est ta fille, tu vas la revoir, tu la rappelleras. Parce que pour qu'on puisse te casser les couilles, il faut déjà qu'on en ait. Tu sais à qui tu parles ? Tu sais à qui tu parles ? Non. Vous n'êtes pas présenté ? Moi, je suis Guéguette, mais... Je n'ai pas besoin de me présenter. Ta fille, elle a du temps parler. Je suis connu dans toute la France, t'es quoi ? Je suis suivi par des milliers de fans. Toi, par ton docteur, qui c'est qui te suit ? Ouais, bah, fais gaffe de ne pas lui brûler les yeux voilà. Allez, je raccroche. Ok. Bon, bah... Je te laisse dans ta campagne, là. Je m'occupe de ta fille, d'accord ? Par contre, non, s'il te plaît, par contre, beau papa... Oh, Yannick. Non, mais là, t'as pas tout compris, mon grand. Écoute, c'est moi qui vais t'apprendre la vie. Ferme un peu ta gueule et écoute-moi. Ta fille, elle a l'air de s'emballer un petit peu vite. Moi, c'est juste un plan d'air. Tu la calmeras après. Tu lui diras que, bon, pour apprendre la vie. Tu sais ce que ça veut dire, un plan d'air ? Un plan cul. Bon, en gros, je passe du bon temps avec ta fille, comme avec plein d'autres meufs. Ça, je peux le comprendre. Je suis un ancien marin. Tu passes du bon temps. On se comprend alors, voilà. T'as vu que ta fille, bon, c'était pas la dernière. Alors, j'en ai baisé des nanas. Attention, moi, y a pas un port. Je suis un ancien marin. Y a pas un port en France avec une nana que j'ai pas sauté. Hein. Je te comprends. Et comme je suis chef d'équipe avec des cuisiniers, il est fantastique le mec. Tape-toi ma fille. Alors, à chaque fois qu'on lui dit un truc, il fait attends, je te comprends. Alors là, allô, papa. Oui, je suis là. Ouais, c'est Coé, on est sur Énergie. Rassure-toi, c'est une blague. Ah non, ça c'est pas vrai parce que ma fille a réussi à me faire apprécier. Vous avez un certain talent au niveau humour et tout, je vous apprécie. Et il sait parce qu'il est chef d'équipe dans l'humour. Bah, il le sait parce qu'il a eu une troupe d'humoristes. En tant que marin, on se poile un peu. Je vous fais un gros bisou, je vous embrasse les deux. Cadeau pour la demoiselle, on va lui envoyer quoi, Julie ? Une tablette. Et bim, une tablette. Ah, je sais parce qu'en tant que ancien mec de chez Air France, il y avait des tablettes autant que j'en veux. A bientôt, ma petite Lynn. Gros bisous, je t'embrasse. À bientôt, bisous. Voici celui qui sera notre invité dans quelques jours, oui. Kate Jones sur Energy. J'adore ce morceau, j'adore ça. Un inconnu, dis-moi. Hola. Madame, bonjour, madame. Hola, non. She telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go. You know I love them all. African American, for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go. You know I love them all. She from Africa, but she fuck me like she Haitian. Ass black, but the eyes looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candy camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina. She from Arizona. Then I met a girl in Cali. I never disown her. She got that high grade. Her weed come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame.

Quelqu'un a freiné devant moi. Je regardais mon portable et j'ai pas eu le temps de réagir. Aujourd'hui, mon corps ne me permet plus de travailler. Ma femme a arrêté tout ce qui lui tenait à cœur, pour moi. Elle tient le coup, mais pour combien de temps ? Quand vous regardez votre téléphone, qui regarde la route ? Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables. J'arrive chez McDo, je prends un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'embarquent. On arrive dans une base ultra secrète où des mecs bossent sur une équation de physique moléculaire et me demandent la solution. Mais tu t'y connais en physique moléculaire ? Ben non, je suis en L. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Crime avec Jean-Marc Morandini. Ce soir, à partir de 20h55 sur Énergie 12. Crime dans les villages du Pays de Loire. Quadruple meurtre. Nourrice assassinée. Mort pour un mot de trop. Jean-Marc Morandini décrypte trois affaires qui ont plongé la région dans l'angoisse. Énigme, investigation et révélation. Crime présenté par Jean-Marc Morandini. Ce soir, à partir de 20h55 sur Énergie 12. Leclerc. Philippe, tu savais toi qu'avec Leclerc, on peut profiter de primes énergie quand on fait réaliser des travaux d'économie d'énergie dans la maison ? Absolument. Des primes en carte cadeau Leclerc qui te permettent de faire tes courses dans tous les magasins Leclerc. D'ailleurs, depuis le 1er janvier, ces primes peuvent, selon tes revenus, être multipliées par 4. Rendez-vous sur l'énergiemoinscher.com pour connaître les modalités d'obtention et d'utilisation des primes énergie. Inscrivez-vous avant de vous engager auprès de votre installateur. Des travaux pour faire des économies qui te donnent droit à des primes pour faire d'autres économies. J'adore l'idée. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Bon. Alors, tu veux quoi comme cadeau ? Je sais pas. Soit un ordinateur, ou une tablette, ou sinon un smartphone. J'hésite. Qu'est-ce que ça va être quand on va changer de voiture ? Un Nissan Qashqai. Certains choix s'imposent d'eux-mêmes. Pendant les journées technologie Nissan, Nissan Qashqai est à partir de 249€ par mois avec 4 ans d'entretien inclus. Pour Nissan Qashqai Vizia DEGT 115 et l'LD 49 mois avec 2000€ d'apport jusqu'au 30 septembre si accordiaque. Entretien hors pièces d'usure et pneus, portes ouvertes du 16 au 18 septembre. Nissan, innover autrement. Ce soir, vous allez le kiffer, mais je veux aussi, j'ai envie qu'on se fasse un. Je dis, on parlait de DAB tout à l'heure. Oui. Ta mission, Loris. Oui. Pas de défi. On le lance comme ça. Oui. Vas-y. Ta mission, Loris. Oui. Tout à l'heure, dès que tu entendras cette musique. Peu importe ce que tu fais, t'es dans la rue, tu bois un coca, t'es en train de discuter, t'es machin, on appuie sur le bouton, on te le met. DAB ! T'as des trucs dans les mains, bim. T'es en train de manger, ouais. T'as des frites, y'a du monde à côté de toi. DAB ! Balance tout. D'accord. Vas-y, essaie. Vas-y, genre. Non, pas à côté de lui. On le fera pas là, pas quand tu manges des pâtes, mais si tout à l'heure dans la rue tu manges des pâtes. Okay. Ça va voler, je pense. Et je veux la vidéo et vous filmerez tout ça, jeune homme, et je veux voir ça sur ma chaîne YouTube. Impeccable. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Ça sent l'incident, ça. Ouais. On en est où de. Alors, avant qu'on ait Adrien dans 2 minutes, 15 ans de Toulouse, ça va, mon pote ? T'es en forme, ça va, Adrien ? Ça va. On parlera de la vie en internat dans 2 minutes, hein. Tu bouges surtout pas, mais revenons quand même sur cette histoire de canal. La pauvre Miss Météo qui s'est fait défoncer ce week-end, tout le monde l'a défoncé sur Twitter. Ouais. Après chacun donnera son avis, mais pour une bonne vanne, quoi, ça va. C'était rigolo, moi, je trouve. Écoutons, il y a Jonah Hill qui est là. Si vous savez pas qui est Jonah Hill, c'est le mec qui a joué dans 21 Jump Street, le plus gros des deux. Ouais, ah, et qui a fait le Loulou Wall Street aussi, c'est le pote de DiCaprio. Assez souvent aussi, j'ai entendu non. Attention. Du coup, j'ai un fantasme avec vous, Jonah. En fait, ce serait que. Ce serait ton. Juste fantasme, ça marche. Du coup, je finis pas cette vanne. Ah si. Merci Alice, j'ai envie de savoir. Non, en fait, j'ai un fantasme. En fait, ce serait qu'on se retrouve tous les deux dans une chambre d'hôtel le soir. On discute, voilà. Vous me faites rire. Vous me faites beaucoup rire. Et là, d'un coup, vous ramenez vos potes DiCaprio et Brad Pitt. Et vous partez. C'est drôle. Oui, c'est drôle. C'est et drôle. Alors le mec, il a été choqué, il l'a mal pris, il a annulé toute sa promo en France. Et elle s'est fait démonter sur tous les réseaux sociaux, la violence de Twitter et tout. Et moi, j'aime bien quand des fois on tire sur une ambulance, j'aime bien aller lui filer un coup de main, je la connais pas cette demoiselle. Ouais. Et je trouve pas que ce soit la pire vanne. J'en ai vu des Miss Météo faire des vannes de merde sur Canal, parce que des fois elles font plus d'humour que de météo. Mais là, franchement, c'était pas pourri. Mais la force située, si elle a fait cette vanne-là, parce que le mec est habitué, donc du coup, au rôle de moche, au rôle de mec qui s'assume en tant que moche, etc. etc. Et là, je pense qu'il est arrivé en mode beau gosse en France, bah, et il s'est pris ça dans la gueule, et ça l'a pas. Si ça avait été Oprah Winfrey ou Hélène DeGeneres qui aurait fait cette vanne, ils auraient rigolé. Hein. Ouais, c'est ça clair. Aussi, ah ouais. C'est vrai. Toi, t'as pas aimé cette vanne, t'as dit, oh, c'est pas drôle. Non, parce que je trouvais que le gars arrivait pour faire sa promo, etc., et que c'était pas très cool de l'accueillir comme mais ça. Mais ça va, pas quand tu joues des rôles de il aurait fallu l'introduire un peu plus, et tu vois. Mais bon. Je peux rien dire. Bah, à un moment donné, il faut surtout qu'elles donnent la météo, les filles de la météo de Canal. Ouais, non, elles sont réputées pour ça, pour le coup. Ouais. C'est ça qui est bien, pour le coup. C'est ça le truc, c'est qu'elles sont jolies, elles font des vannes. Elles deviennent quelque chose derrière, tu vois, actrice ou. Ou rien. Parce qu'il y en a des fois, elles sont rien devenues, à force de faire des vannes. Mais regardez Louis Baudin. Est-ce que Louis Baudin, il arrive en disant alors bon, l'anticyclone des Açores, c'est deux putes. Ascenseur. Louis Baudin, il fait pas ça. Mais non, mais les Miss Météo de Canal, ça fait bien longtemps qu'elles font plus la météo. Tu t'en fous de la météo. Eh ben, moi, je sais qui. Je sais pas qui c'est cette demoiselle, mais je la défends. Voilà, c'était pas une si mauvaise. Que tu défends comme parce ça. Parce que c'était pour une fois qu'elle était drôle. D'habitude, elles sont pas drôles, les Miss Météo. Mmh. Je trouve que pour une fois, c'est couillu de dire à un mec, vous venez avec vos potes et vous partez. Il est moche, Jonah Hill. Si elle t'avait fait cette vanne, ça mais t'aurait plu ou pas? Mais parce que si tu mises sur tous tes films, sur ton physique, et que d'un seul coup on te fait ça, tu ferais ça à Christian Grey, il y a de quoi se vénère. Julie, il y a que lui qui pense qu'il est beau. C'est tout. Non, mais je l'aurais bien pris, je m'en fous. Tu l'aurais bien mais pris. C'est les vannes qu'il fait tous les jours en disant qu'il est drôle. Une fois, vous vannez mes cheveux, mais mon poids et mon machin. Arrêtez. Oui, mais la nana. T'arrives, tu fais le grand journal, t'es accueilli, machin, etc. Et on te dit, Koé, tu viens dans ma chambre, alors tu me fais rire, etc. Mais par contre, tu viens avec tes deux potes. Et bah, je crois que j'aurais trouvé une vanne, ça m'aurait fait rire. Voilà, je crois que j'aurais trouvé une vanne, mais si le mec, il fait 21 Jump Street, il fait que des films comme ça, il se prend une vanne dans la gueule, il la prend mal. Bah, oui. Il reste chez lui, c'est tout. Adrien, dans un instant, on s'occupera de la vie en internat, c'est tout. C'est bon, Jonah Hill, personne sait qui c'est en plus. Oui, c'est vrai pour le coup, oui. Attends, le mec, il remplit Twitter, il a fait 4 films. Détendre. C'est vrai. Voici Hardwell et Lil Jon. Montez le son. Ça va, Koé, ça va et toi? Oui, Adrien, je te présente Ked, je te présente Guéguet, je te présente Julie, je te présente tout le monde, le public, je vous présente salut, Adrien. Julie, salut, Adrien, salut, je te présente, tu as déjà dit bonjour à Stouff au Standard et à Mika, tu les as déjà eu? Ouais, j'ai déjà eu au téléphone. Je te présente Kiki. Salut, Kiki. À toi, Adrien. Tu nous as envoyé un mail, tu me dis chouette passer à l'antenne pour que vous me donniez des conseils sur la vie à l'internat. Car je suis à l'internat depuis une semaine et je voulais avoir des conseils, des trucs à faire, des bizutages, etc. Des bizutages, des choses comme ça, ouais, c'est cool. Je ne sais pas où on en est du bizutage. Oui, mais c'était moi, pas interdit. Il me semblait que c'était interdit. Bah oui. Maintenant, ils appellent ça interdit, des sessions d'entrée, ça s'appelle plus bizutage, c'est des fêtes d'entrée, je sais pas quoi là. Intégration. Voilà, intégration. C'est pas méchant, intégration. C'est pas désintégration, c'est vouloir intégration. Oui, saison 7 entêté. Encore. Allez. Entêté. Jolie. Sans le demander. Mon hein. frère. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a, Julie? Sans le demander. C'est vrai qu'on ne demande plus. Bah, c'est vrai. Non, on l'a automatiquement. Ouais, on ne demande plus. Faites-le nous monter. On est en combien de tiers? 7e. Bah, 7e année. Ah, 7e année. Ouais, mais saison. Je veux être 5. Ouais, j'ai envie d'être 5. Ah non, mais faut être 2 même. Mais oui, calme-toi, toi, calme-toi. Hashtag Koé saison 7. Faites-le nous monter, la Koé Family, vous le pouvez. Bon, moi, je n'ai jamais été. Bizuté. Ouais. Pourtant, j'ai fait une école de commerce, mais. Oui, il n'y a pas ça, non, normalement, si. Dans les écoles de commerce. Si, mais j'étais en phase vénère, donc je crois que le premier qui me bizutait, j'étais très premier degré. Voilà, donc ils ont pas. Mais je crois que ça se fait plus trop. Hein. Non, et j'ai jamais été à l'internat non plus. Donc c'est un moi peu compliqué. Piètre. J'ai pas fait d'internat non plus, j'ai fait beaucoup de colo moi par contre. Donc ça se fait en colo, ouais, c'est pareil, ça se fait. Ce qui est les plus faciles à niquer, c'est les trucs de. Les prêtres. C'est les trucs de douche, genre tu remplaces. Tu mets du dentifrice dans le shampoing ou. Il y a un truc qui marche. Mais en c'est colo, plus tu conneries des douche. Vannes, tu fais pas des vannes en internat. Si, un peu. Si, c'est pareil, mais après, généralement, t'es plus surveillé en internat qu'en colo. C'est ça le truc. C'est après, ça dépend quel internat t'es. Des fois, c'est un peu la. Ouais, parce que je crois qu'il y a des endroits, c'est tendu et c'est serré, et je crois qu'il y a des endroits, c'est un peu à la cool. Ouais. Non, mais avec les lits, sinon, ouais, tu mets un petit peu d'eau ou tu chies dans les draps de ton pote, tu remets les draps par-dessus. Il y a toujours des trucs à faire. C'est dégoûtant. Mais toi, je suis sûr que t'es prêt à faire des trucs comme ça. Si t'es pas jusqu'à là, tu mets des miettes de pain, c'est plus soft. Ça gratte. La biscotte. La biscotte, toujours moins de la gratter sinon, non ? Ça existe encore, ça, le bois de la gratter ? Faut en trouver, ça. Les biscottes, c'est pareil. Un poulpe. Tu peux mettre un poulpe. Ouais. Si vous avez des piranhas, c'est bien aussi, un alligator, mais il faut avoir les animaux après, c'est le problème. Mais non. Non, mais non. Mais non, il y croit, mais non. Adrien. Non, mais de la colle dans le shampoing, c'est marrant non, aussi. Non, pas de la colle. De la colle dans le shampoing. Arrête, le mec, il va plus avoir de cheveux. J'ai incité personne à le faire. Mais c'est ce qu'ils ont fait à Koé, vas-y. Ça va le terminer. Ah, c'est vrai, il a raison. En plus. C'est drôle, oui. Ah, oui. Ouais, c'est vrai. Non, du coup, il a les mains poilues depuis. Non, pas dans les cheveux, machin. Pas dans pas non, de, pas de la colle. Pas des trucs comme ça, t'imagines, après, derrière. Mais non, je sais pas si tu peux faire vraiment beaucoup de vannes. Il y a une vanne sous la douche qui est très drôle à faire. C'est quand t'as le mec qui se met du shampoing. Mais j'ai vu, il y a une vidéo qui est passée depuis ce truc-là. Mais non, le bloquer les douches. C'est pendant qu'il se met du shampoing sur les cheveux et qu'il se rince les cheveux. Donc tu fermes les yeux. Et toi, tu lui remets du shampoing. Et ça s'arrête jamais de mousser. Et donc, du coup, ça s'arrête jamais de mousser. Et le mec, il comprend pas, il devient ouf. Il dit, mais putain, je suis en train de me rincer, mais tu peux pas ouvrir les yeux. Et tu lui remets du shampoing. Et le mec, ça s'arrête jamais, en fait. Et il devient ouf. Donc, ça va, c'est pas méchant, ça. Ah non, c'est bien. Non, non, c'est pas je valide. Bien celle du cellophane, tu sais, tu lèves tous les chiottes. Tu lèves les deux lunettes des toilettes. Ouais. Tu mets du cellophane sur les toilettes et tu rebaisses la lunette. Voilà, le mec qui va pisser, en pisse partout. Ça, c'est drôle. T'entends comme ils sont réactifs, là, les deux, d'un coup, pour faire des conneries. Mais tu sais quoi? Je me demande même si je la ferais pas énergie, cette vanne. Ouais, je l'ai faite à un prof quand on était parti en voyage. Mettre une GoPro. J'avais pas envie qu'on le fasse demain. Ah ouais. Si. J'avais pas envie que demain, on prenne les toilettes d'un étage, on ne dit rien. Et on pas installe filmer quelqu'un en train de faire on filme pas, on en met que le micro pour entendre les bruits. Ah, c'est pas con. Oh merde! C'est trop, là, oui. Et si jamais la personne, elle dit rien. T'entends rien et tu reviens, il y a encore le cellophane. Qu'est-ce que t'as fait dans les chiottes? Ou alors le mec, il fait une grosse commission et il fait pas attention, il le laisse sur le cellophane. Ouais, voilà. Le mec, il dit bon, tant pis. Et il s'en va. Elle est posée. Reste avec tout. Bon, je te fais un gros bisou, Adrien, je t'embrasse. Le shampoing, le shampoing. Gros bisou, je peux faire une petite dédicace? Vas-y. Petite dédicace au second pro du lycée hôtelier. Allez, bonne soirée, Coco. Salut à tous. Merci beaucoup, Coco. Ils sont chers, ouais. Merci. Bisous. Allez, merci beaucoup. Ciao, les gars. Amusez-vous bien. Il n'y a que des mecs, il n'y a aucune fille. Dédicace à Debro 2. À Debro 2, d'accord. On embrasse Debro 2, alors. Je disais, il n'y a pas de filles. Vous êtes que des mecs. Ils sont partis. Ils sont partis. Ok, ils ont rien à foutre de ce que je dis. Ils sont déjà sous la douche. Hey, 21 Pilots. Ouais. Si juste après, c'est Nash. 6-11-12 par SMS. Remets-le, je suis pas fini. 6-11-12 par SMS, vous gagnez l'iPhone 7 ou le place pour 21 Pilot, tout frais payé. Peut-être le double 8. Peut-être. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun. Who I was, but it's fun to fantasize. Ooh, ooh, ooh. taking my time on my ride. That's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Taking my time on my ride. Oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. I'm on my ride. Toujours tout aux voitures. Et lui, je vous jure, c'est une Ferrari. Mais dans une carrosserie de grand goût. Coé, 19h, 22h, sur Énergie. Toute l'équipe de la sur Énergie, tous les soirs, 19h, 22h. Si vous êtes sur Twitter, écrivez-nous hashtag Coé saison 7. Ça veut dire que c'était pas le double hit. Oh ah, non. Là là là là là là. Check. Toujours pas. Je sais pas pourquoi c'est parti. Non, je sais pas pourquoi il est parti celui-là. Papy, t'es ta chèque, que ta chenèque ne pourra pas encaisser. Un moment sujet de philo. Je ne sais pas, un sujet de philo, deux, trois, je sais pas pourquoi c'est parti. Hey, vous avez... sujet. En parlant de. On parlait tout à l'heure de Drake, vous avez... on était en antenne, oui. On en parlait ouais. Entre nous. Vous avez vu que Drake, il est super furax, ils lui ont volé des bijoux pendant un concert. Ouais. Ah, mais genre une valise. Une valise. 3 millions. Bon. 3 millions. 3 millions de dollars, il y avait dans sa valise, ils lui ont piqué. Ouais. C'est un truc de dingue. Oh là, bah, 3 millions. Les mecs, il paraît qu'il a retrouvé la mallette. Ouais. Tout, il a été content. Hein. Mmh. Il a dit au mec qui lui a ramené. T'es mon bijou. Je toi, je veux mon bijou. Ouais, mais Drake, il est comme ça. Hein. Mon bijou. Mon bijou. Mon bijou, merci pour les bijoux. On fait un bisou à Ousmane. Ça va, Ousmane? Oui, ça va. Hey, Ousmane. Ah, Ousmane. Oui. Tu sais quoi? Non, je sais pas. T'es mon bijou. Pourquoi je veux mon bijou. On y va, mon gars. Attention, voici le. J'ai un service à te demander. Le principe est simple. Vous prenez un de vos bons potes. Que vous pensez être votre super pote. Ouais. Et là, à partir de là, vous allez lui demander un service. Voir si vraiment il va vous dire OK, mec. Pas de problème. Si c'est un pote, tout voilà. Pour vous en fait. Ou alors est-ce qu'il va nous dire ouais. Excuse bidon. Ouais mais je peux pas. Bon tu comprends j'ai un déménagement. La dernière fois on a eu un je peux pas, je dois tendre la pelouse. Ouais c'est vrai. Il était magique celui-là. C'est important. C'est vrai. Bon Ousmane tu vas appeler qui? Un pote à moi, un bon pote à moi. Qui s'appelle Rémi. Didier. Voilà. Sous le nom de Didier Yan. Voilà. Ce en sera fait. Comment? Ce sera quoi le service? Bah le service c'est que du coup en fait je veux voir si un jour il m'arrive une galère, est-ce que bah il va être dispo pour moi et en l'occurrence ce soir, est-ce que genre aujourd'hui est-ce qu'il y a moyen qu'il me rende ce service tu vois. Ah, mais, genre, c'est quoi, là, mais c'est quoi le service? Je connais voilà, le principe du jeu, c'est moi voilà. Qui je m'en souviens à peu près, on l'a créé ensemble avec l'équipe, donc on sait à peu près ce que c'est le concept, mais c'est quel mais c'est service quoi, là, ouais. Ah ok, bah c'est voir si en gros bah je me suis fait péter par les condés, savoir s'ils vont me qui va me défendre ou pas, en fait. Donc, qui va me trouver pété par les Condé, ouais, dit arrêté par la police. Les forces de l'ordre. On va l'appeler. Ousmane. Ouais. T'es mon bijou. N'oublie pas. On appelle ton pote tout de suite ou après? Tout de suite. Ah bah non. Allez, on n'est plus là pour l'instant. J'adore cette chanson. Ouais, je pousse. Ouais, ça va pas. Ouais, attends, mon gars. Ouais, tranquille. Tu fais quoi? T'es occupé là ou pas? Oh, je fais du son calme. Après la braque. Ouais. Ouais, vas-y. Hey, j'ai un service de ouf à te demander là. En fait, je t'explique. Là, vas-y. Vas-y, bon. Je suis chez moi. Et là, il y a les Condés. Ils ont débarqué, tu vois. En fait, je t'explique, tu vois, le week-end dernier là. Bah, ouais, je te jure. Et genre, le week-end dernier, vite fait, tu vois, on est sorti, tu vois, avec les autres, là. Bref, je vais pas te faire la liste. Mais vas-y, tu vois, genre, j'ai pris la voiture, j'étais bourré de ouf, tu vois. Et vas-y, bah, forcément, t'as vu, tu sais très bien, toi, devant le club, là, à côté de l'INAS, là, ils contrôlent à chaque fois. Dès qu'on sort, ils contrôlent, tu vois. Mais vas-y, là, le délire, c'est quoi? C'est que j'ai pas voulu m'arrêter et je suis parti. Genre, en gros, voilà, j'ai tapé un délit de suite, tu vois. Mais toi, t'abuses, toi. Ouais, et là... T'as visité, toi, l'alcool, toi, ce que ça faisait. T'as vite d'arrêter. Ouais, mais là, c'est pas l'alcool, là, en soi. C'est très bien que, vas-y, je suis un fêtard. Ouais, enfin, bon, et bref, du coup, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Non, mais là, j'ai besoin que tu m'aides. En fait, là, ils sont tous chez moi, là, en fait. Vas-y, là, je me suis isolé vite fait, tu vois. Et là, Clary, je veux que tu m'aides, en fait, à me sortir de cette galère. Genre, tu dis que si j'étais avec toi, je sais pas, tu racontes ce que tu veux, je sais pas. Hey, tu peux dire, on était ensemble, je sais pas où. Hey, vas-y, s'il te plaît, est-ce que tu peux me rendre ce service? Ah ouais, toi, tu me mets dedans direct, toi. Bah, vas-y, parce que vas-y, hein, t'inquiète, je fais, vas-y. Juste, attends, je parle doucement, parce que vas-y. S'il te plaît, dis pas que j'ai bu ou quoi. Enfin bref, s'il te plaît, dis vraiment que j'étais avec toi. Je sais pas, invente un truc. Bah ouais, frère, attends. Je vais pas dire que tu étais bourré, bah oui, normal. Vous êtes encore au téléphone, non? Vous êtes encore au téléphone, monsieur? Allô? Oui. Vous êtes en ligne avec qui, là? Allô. Vous êtes en ligne avec qui, monsieur? Ouais. C'est mon ami, là, en fait. Celui avec qui vous étiez quand? Le week-end, ouais, samedi, là. Samedi soir, je vais prendre le téléphone. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bon, on a un problème de délit de fuite, monsieur, là. Pardon? On a un problème de délit de fuite, monsieur. Quand? C'était quoi, le jour? Samedi soir? C'est impossible. Mon ami et moi, on était en chicha. Déjà, je suis allé le chercher avec mon véhicule. Ouais. Et ensuite, il est parti chez moi pour faire du son. On est resté calé. Mais monsieur, nous sur la photo, on voit bien que c'est lui, monsieur. Ah, c'est pas possible. Vous avez dû tromper ou sur les plaques. Il était sur la chez photo, vous. Il était avec vous de quelle heure à quelle heure, monsieur? Toute la soirée. De milieu d'après-midi jusqu'à fin de soirée. Ouais, mais c'est quoi fin de soirée, monsieur? Fin de soirée, c'est tard dans la nuit, parce que nous, quand on fait de la musique, il n'y a pas d'heure. Donc, suite à ça, après, moi, je l'ai moi-même ramené chez lui. Monsieur, vous savez ce que c'est si vous nous mentez, hein? Il n'y a pas de problème. Vous savez que vous risquez beaucoup, monsieur. Il n'y a pas de souci. Et vous nous mentez, là. Je peux vous certifier qu'il était avec moi. Monsieur. Ça doit être une erreur. Monsieur, vous nous mentez, là. Je vous mens pas. Je vous le dis. On a snappé toute la soirée, monsieur, pour la vérifier. Monsieur, vous nous mentez, il n'était pas avec vous samedi soir. Il était avec moi samedi soir. Non, monsieur, vous nous mentez. Ah bah, je vous mens, si vous voulez. Il était avec moi samedi soir. Vous savez pourquoi je sais que vous mentez? Pourquoi? Parce que c'est une connerie, on est sur énergie, tu nous mens. Et c'est moche. Mais il peut compter sur son pote. C'est vrai. Voilà, ça, le jeu peut compter sur toi. Bien joué, on y est, on le tient. Merci, Salfou. Je suis désolé, encore une fois j'ai tout.

toutes les soirs. Tous les soirs, on est là. Il y a Julie, dis bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Il y a Pietre, dis bonsoir. Ouais. Il y a Guéguette. Bonsoir. Cette réalisation de l'émission aujourd'hui est faite par une jeune fille nouvelle. Qui découvre. L'autre est enterré dans le fond du jardin d'énergie. Donc, quel est ton prénom ? Mathilde. Mathilde, tout se passe bien ? Ça va. Les gens étaient gentils avec toi ? Oui. Ah, pas duré. Moi, je ne vais pas parler. Hein. Donc, tout à l'heure, restez avec nous. Il y a un Jacadi. Est-ce que vous voulez que je vous dise ce que sera le thème du Jacadi ? Non. Je ne sais pas. C'est dit ? Bah, vous ne le savez pas. Donc, je peux vous le dire. Ça vous fera réfléchir. Ouais. Tout à l'heure. Nous aurons un Jacadi. Vous connaissez le principe. Jacadi fait deux trucs. Hop, vous faites deux trucs. Le principe du Jacadi tout à l'heure. Il va me plaire celui-là. Le truc, faire un boomerang. Vous savez l'appli. Ouais. Oui. En se prenant un seau d'eau dans la gueule. Tout ça dehors, évidemment. Ah oui, c'est vrai que personne n'a jamais voulu le faire, ce truc-là. Eh bien, ce sera. Puisque personne dans cette équipe n'a jamais voulu le faire, ça fait longtemps qu'on se repousse ce truc-là. On n'a pas de chance, les gars, en fait. On rentre trempé. Eh bien, c'est pas nous qui allons le choisir. C'est un Jacques au hasard en France. Puisque Jacques a dit si Jacques a dit c'est Pietre, eh bien, ce sera Pietre. Non, mais j'ai des kilomètres à faire. Je suis en scoot, moi. T'as 2 heures de route derrière. Peut-être t'as quoi, Julie ? 2 heures. 4 heures. Il y a 7 heures. 7 heures, en fait, il rentre au Sénégal directement. Oui, voilà. Scooter, et il vient dans la nuit après. Mais attends, t'as combien de temps ? Là, j'ai 50 minutes, c'est déjà bien, tu vois. Je croyais que t'avais plus. C'est loin pour mais moi, c'est jours, la campagne. Mais 5 jours, après, il y a une diligence et tout, c'est long. Julie, t'as quoi après ? J'ai rien, mais. Bah voilà, je rentre à pied, quoi. C'est Julie. Ah bah voilà. Julie ! T'as quoi, Guéguette ? Une grosse réunion d'affaires. Ouais, bien sûr, à 22h. C'est vrai. T'as pas de change. Eh ben, je sais pas. Ah oui ? Bah oui. Mais toi, tu fais quoi, toi ? Bah, tu joues aussi. Hein ? Ah, tu joues aussi. Cette fois, tu attends. Oh, il y a ton nom dedans. Travers, il y a ton nom dedans. Ah bon ? Oui. Ah oui. Ah bah oui. Et c'est Jacques qui va décider. Hein. Ah bon ? Oui. Ouais. Puis généralement, en plus, ils prennent le celui qui connaît. Ok, on fera le Jacadi boomerang sur dos dans la gueule. D'accord ? Ouais. Alors, enfin, on fera ça tout à l'heure. Ouais. Jessica. Oui. Déjà, c'est Jacques. Ouais, c'est vrai que sinon, c'est pas possible. C'est pas possible. Ne riez pas, ça dans le public. Jessica. Oui. T'es mon bijou. Tu fais mon bisou ? Ouais. Voilà. Je suis content. Jessica, 27 ans, tu vas piéger ta maman qui s'appelle Irène. C'est ça. D'accord, très bien. C'est bien ? Oui. Bon, le nom de famille, ça aurait été Desneiges, ça aurait été super. Mais bon. Irène Desneiges. Alors, on est bien. Maman, elle est cool ou pas ? Pour certaines choses, oui. Ouais, elle est pour pas cool. Un peu moins. Elle est pas cool, pourquoi ? Par rapport à mon ex, je pense que ça peut la faire monter en pression. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à l'ex ? On veut tout savoir, nous. Oh, bah, une espèce d'imbécile qui sert à rien et qui... Ne dites pas ça. Ne dites pas ça. Quand vous étiez avec, il était super. Et d'un seul coup, vous êtes plus avec. Mais... Il devient un imbécile, un idiot. Il a perdu 12 cm de tour de bite. C'est ça. Mais c'est vrai. D'un seul coup, on est le super amant. Et quand on n'est plus avec vous, c'est de façon, t'as une petite bite. Voilà, c'est le. Ouais, mais ça doit faire pareil pour vous aussi. Quand vous n'êtes plus avec une fille, c'est non, pareil. Non, non, non. Elle a des 600, moi, tu perdras jamais 5 cm de zizi. Hein. Non, jamais. Bah oui, pas mal, ça. Parce qu'on est censé dire quoi, nous ? C'est un mauvais coup. La poitrine ou n'importe. Hein. Non, mais la poitrine, non, on le dit pendant. Elle a pris 10 kilos entre temps. Oui, ça souvent. Mais les gens le voient, on le dit pendant. Ouais. Oh, tout ça, oui. Ça va pas. Enfin, bon, et donc, si par exemple, tu étais avec lui ou pas ? Ah non, je suis plus avec depuis presque un an. D'accord. Mais même plus qu'un an. D'accord. Parce que tu nous as mis dans le mail, j'aimerais le piéger en lui disant que je me sépare de mon homme. Merci Julie. Allez, d'accord. Parce que c'est bien. Ouais, parce que je suis actuellement avec, je suis avec quelqu'un d'autre depuis bientôt un an. Ah ouais, d'accord. Elle dit qu'elle retourne avec son mec. T'es coquine. Voilà. T'aimes les bisous. T'es coquine. Bon, très bien. Et ton ex s'appelle comment ? Mon mec, il s'appelle David. Ça, c'est l'actuel. Ouais. Et le précédent. Et l'ex s'appelle Pietro. Pietro. Oh merde. Ah, c'est comme ça qu'on l'appelle notre Pietro. Qu'est-ce qu'on l'appelle Pietro ? Notre Pietro, on l'appelle Pietro. Ouais, c'est mon surnom. C'est de quelle origine, Pietro ? Italien. Ouais. Oh là là, d'accord, très bien. Ouais, ouais. Donc ta mère, il paraît que ta mère, elle aime pas les tatouages non plus. Ça arrête à ça. Bah, ouais, elle est pas fan, mais je trouve que moi, je lui ai déjà imposé quand même pas mal de tatouages. Mais je pense que le prénom de Pietro, je pense qu'elle devient folle. Voici les 5 phrases que tu veux dire à ta mère. Je me suis remise. Ouais. Avec Pietro. J'ai toujours été amoureuse de lui. C'est lui l'homme de ma vie. On s'est fait tatouer tous les deux. J'ai fait écrire Pietro sur mon épaule. Oh. Je savais que ça te plairait pas, mais je m'en bats les couilles. Et la dernière, il va venir habiter à la maison parce qu'il travaille pas. Dans un instant, tu auras maman. T'as intérêt à ce que ça gueule. Hein. Je compte sur toi. J'espère que tu nous as pris un modèle de date. Et du coup, tu feras Pietro derrière. Si, si, je sais pas comment on fait le quoi bah, italien. L'italien, il parlait normalement. Si Snake et Bieber. We were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Say go through the darkest of days. Having to heartbreak away. Never let you go. Never let me down. C'était Koé. Koé, 19h, 22h, sur Énergie. C'est la rentrée. 20h38, merci d'être avec nous sur Énergie. J'espère que tout va bien. Piet, donne-moi un invité qui va venir dans les jours qui viennent. Vite, n'importe lequel, au hasard. Maître Gims. Ça fait comme jamais. Jamais. Ça fait comme jamais. Jamais. Julie, tu m'en donnes un au hasard. Ça fait comme jamais. Zao. Guéguette, tu m'en donnes un. LP. LP. Julie, tu m'en donnes un. Ken Jones. Ah, Piet, ça devient dur, hein. Ça. À moi ? Ouais. Michael Jackson ! Non, il a un empêchement. Merde. Qui devait alors ? Il sera là, il sera là. Vous avez oublié Willy William ? Jessica Paré. Oui. Et Alvaro Soler, j'aime bien ça. Ah oui, ma Sofia. J'adore cette chanson. Jessica, 27 ans, dans quelle ville de France ? À Grenoble. Maman s'appelle Irène, vas-y, donne-moi les 5 phrases que tu vas dire à maman. Alors, je me suis remise avec Pietro. J'ai toujours été amoureuse de lui. C'est l'homme de ma vie. On s'est fait tatouer tous les deux. J'ai écrit Pietro sur mon épaule. Je savais que ça te plairait pas, mais je m'en bats les couilles. Il va venir habiter à la maison parce qu'il travaille pas. Alors, à la fin, on tentera donc une imitation approximative. Ah, mais attends, il avait l'accent italien ou pas? Ah non, pas du tout. Non. Ah, on les fera quand même. Il y avait la voix. Au bout d'un an, il l'a. Et ça y est, on a tout dit. Allez, on y va, c'est parti. On a tout le vocabulaire qui est parti. D'accord. Allô? Maman? Allô? Oui? Oui, maman? Oui, c'est moi. Ça va, maman? Ben, je vais bien, oui. Ouais, je t'ai laissé un message tout à l'heure, je voulais te dire quelque chose, mais je savais pas trop comment te le dire, mais voilà quoi. Il y a quelques temps de ça, il y a Pietro qui m'a renvoyé un message, et du coup, on s'est revus, et de fil en aiguille, je me suis remise avec Pietro. Hein? Hein? Ah non, je suis pas d'accord. Ah non, non, ce bon à rien, non. Mais non, je suis pas d'accord avec toi. Tu me laisses tomber tout de suite. Ouais, mais maman, faut comprendre, j'ai toujours été amoureuse de lui, c'est l'homme de ma vie. Ah, c'est l'homme de ta vie maintenant, avec tout ce qu'il a fait, ce bon à rien qui veut feignant, qui veut pas travailler. Ah non, non, non. Moi, tu ne m'emmènes pas à la maison, on n'est pas question, je ne veux pas le voir, ce gars. Ah, ça ne compte pas me l'emmener, hein. Ah non, non, je suis pas d'accord avec toi. Ouais, mais je l'aime. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai pas compris. Tu vas vivre avec lui? Ben oui. Ah ben alors ma fille ne compte pas venir à la maison avec lui. Je ne veux pas m'entendre parler de ce gars. Ah, débrouille-toi comme tu veux, mais moi je veux pas le voir. Non mais qu'est-ce que c'est ça? Ben, il y a un truc que je suis pas clair, c'est... Hein? Je te faisais confiance, mais là je vois que... Tu me prends là au dépourvu, moi j'ai besoin de lui, je l'aime, tu peux me comprendre. Écoute, aime-le toute seule parce que moi il n'est pas question, je ne veux ni plus te voir ni toi. Ouais, puis voilà. Il y a aussi un autre truc, je sais que ça va t'énerver, mais on s'est fait tatouer tous les deux et j'ai fait écrire Pietro sur mon épaule. Non, c'est pas vrai. Déjà que j'aime pas les tatouages, tu t'amuses à faire des trucs pareils. Ah non, non, non. Et surtout. Bah si, maman, je l'ai fait. Ah bah c'est bien, c'est très bien ma fille. Eh bien, pour moi, tu n'es plus ma fille. Hein. Moi, je ne veux pas entendre parler de toi. Je t'ai fait confiance jusqu'à maintenant. Eh bien, et terminé. Hein. Bah, je savais que ça ne te plairait pas, mais je m'en bats les couilles. Hein, maman, c'est comme ça. Ah ben oui, bah, tu fais, écoute, hein, fais comme tu veux. Mais moi, je ne te connais plus comme fille. Hein, c'est terminé. Voilà. Bon. Bah, aussi, pour achever le truc, il va venir habiter à la maison parce qu'il ne travaille pas. Ah bon, en plus de ça, c'est toi qui vas le nourrir. Bah oui. Eh bien, c'est bien, ma fille. Alors, tu fais bien les choses, toi. Mais t'as jamais vécu le grand amour. Oh là là. Tu vas le nourrir, et c'est super, ça. Déjà que t'arrives tout juste à joindre les deux bouts, tu vas t'amuser à... Ah ben, c'est bien, ma fille. Continue comme ça. Mais maman, il t'adore, il te considère comme sa mère. Ah, il m'adore. Eh bien, moi, je l'adore pas, je peux pas le voir. Moi, un feignant, non. Et qui fait souffrir ma fille, parce que non. Il veut te voir, maman. Bon, eh bien, écoute, ma fille, tu fais comme tu veux, mais moi, je veux rien savoir, hein. Rien du tout. Tu veux vivre avec lui? Vis avec lui, mais ne viens pas me pleurer auprès de sur mon épaule, hein. Je t'avertis. Dis-lui qu'on s'aime. Pardon? Dis-lui qu'on s'aime. Il dit qu'il parle. Qu'on s'aime. Hein? C'est Pietro qui parle. Ouais. C'est Pietro qui parle. Mouah, maman. Non, mais ça va pas, Pietro? Ça non, va, mais... Ah non, non, non. Eh oh, ne me parle pas parce que le jour où je te vois, toi, tu t'en prends une. Ah, oh, ça va. Oui, bah ouais, tu peux dire ce que tu veux. Moi, il n'y a pas de ça va. Tu as fait souffrir ma fille, tu t'es moqué d'elle. Non, mais oh. Rigolade. Bah, écoute, redonne l'appareil à ma fille parce que toi, je vais t'éclater. Non, il a pas pris l'appareil, maman. Il parle à côté, c'est rien. Je t'aime aussi. Continue, tu vas voir. Ti amo. Oui, oui, bien sûr. Et quoi encore? Ti amo. Non, d'accord. Amo, préféré, ti amo. Ah oui, ben, tant mieux. Eh si, le pilule de Viagra de la Fiat, pam, grande. El grosso modèle.

Les grands clubs européens sont aussi au rendez-vous. On est sur tous les matchs. Compris ? Yes, sir. Allez, c'est parti pour une nouvelle saison. Vivez 100% de l'UEFA Champions League seulement sur beIN Sport. Avec demain, Paris Saint-Germain-Arsenal et mercredi, Olympique Lyonnais-Dinamo Zagreb en direct et en exclusivité sur beIN Sport. Voir conditions sur beIN Sport.com. Il est bon, ouais, il est bien, mais c'est la nouvelle tendance, les. Vous avez vu les trucs graves dans les musiques. Ouais. Ouais. Ah, Julie, je sais que tu le kiffes. Dans quelques jours, il y aura Alex. Oui, Ayono. C'est notre invité. On l'appelle Alex, notre ami. Attention, dose de l'équipe. Dose de l'équipe, c'est important, tout le monde vient. Oui, c'est le dos de l'équipe. Voilà. Alors, c'est sur qui aujourd'hui le dos, Loris? Et toi, tu fais le malin. Dès que l'émission est finie, tu vas nous faire des petits dabs. Ok. Comment tu fais un dab? Ouais, montre-nous. Je sais pas si le faire ou si t'as l'air d'un con. Vas-y. Non, mais tu peux le faire sans, pas obligé d'avoir de la musique. Attends, je me mets dans. Ouais, bon. Voilà. Ouais, ça va. Qui sait bien le faire dans le public? Ah, Mathilde, elle est au taquet. Parce qu'il y en a beaucoup des fois qui disent qu'ils savent le faire, mais qui sait le faire? Qui dab? Mathilde? Oui. C'est le faire. Vas-y. Comme d'hab. Ouais, ouais, le tien. Ouais, bah moi, c'est je moment, le tiens, je crois. Vas-y, Julie. En même temps, c'est pas ce qu'elle peut. C'est pas. Guiguette, ça a une Kaira, elle fait bien. Il dab, il dab le matin, il dab le soir, il dab le. Tu mets ta tête dans ton bras. Et toi? Et toi, vas-y, dab. Non, je dab très peu. J'ai dabé, fut un temps. Mais je dab plus. J'ai laissé ma nouvelle tendance pour cette année, je ne dab plus. Mais sur qui se dosse, les gars, parce que bon. On l'a vu passer, il a été Mika. Public même. Non mais c'est bon, arrêtez avec ça. Tu croyais que t'allais passer la vidéo entre les mailles du filet? Même. Après les piments, il avait rencard, souvenez-vous. Ouais. Un message drôle avec. Oh la vache. Les nichons de la demoiselle, ouais. Mika, ouais, c'est un canon. Je suis avec un piment là apparemment. Donc il a un peu le feu au cul. Donc je dis pas, franchement il a pas assumé, hein. Faut pas lui refaire. Elle a l'air intelligente. C'est ça qui est bien. Elle est très intelligente. Non mais hey, c'est un bloc. Physiquement intelligent. J'ai vu. C'est ça, attends, quoi le dos? Attends. Il a voix que pour des projets professionnels. Les amis, et vous n'avez vu que les hauts, vous avez vu que les seins. Exactement. Vous n'avez pas vu les fesses. Elle est canon, fesses, ouais. Autre monde. Elle est magnifique, ouais. Et alors, comment et tu l'as revue? Parce que tu t'étais déjà cassé les dents une fois. On en est où maintenant? Non, il devait l'avoir vendredi. Bah finalement ça s'est pas fait à cause du piment. Excusez-moi, je suis ce qui se passe avec les gens de mon équipe. Non mais ça c'est sa vie privée, ça ne regarde pas. Enfin la vie privée dépend de la tienne. Parce que si elle a un mec, mon gars. Mais pas du tout, on se voit pour des projets professionnel. Tout simplement. Depuis quand tu files des rôles à des actrices danseuses, toi? Ben je sais pas des rôles, c'est dans quoi? C'est quoi la vie professionnelle? Je peux pas en parler. C'est parler à ton zizi, c'est pas un projet professionnel. Ça se justifie pas parce qu'il y en a deux trois, ils ont fait ça des fois et ça mal fini. Non pour le coup il y a pas de caméscope et compagnie quoi. Ouais. Il y a pas d'ambiguïté, c'est tout. C'est voilà. Projet professionnel. Exactement. Il veut pas nous en dire plus. Un rendez-vous professionnel. Mais tu lui racontes quoi? Un rendez-vous professionnel. Tu dis oui bonjour, j'ai une petite idée. Regarde, la première fois qu'on s'est vu, c'était voilà pour le tournage qu'on a fait cet été. Oui mais là c'est moi qui ai payé. Mais ensuite. Et ben ça serait bien que tu en payes pour un tournage. C'est la discussion. Ah ouais, d'accord. Il y a rien. Non, il y a pas. J'étais obligé de réinventer un tournage pour la faire revenir. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Voilà, non, mais il a déjà prévu tes futurs tournages. Mec, mais c'est ça, j'organise. À chaque fois que j'emmène une comédienne ou une nana, tu la chines, ça va comme ça. Non, non, elle ne chine pas du tout. Non, attends. Bon, c'est très allez, professionnel. Non, c'est très professionnel. Mais c'est un rendez-vous professionnel. Fais gaffe, voilà. Stouff, à ta place, parce qu'il est en train de la débaucher. Et est-ce que ton zizi était content du rendez-vous professionnel? Il avait encore l'effet du piment, donc. Ah, il a, voilà. C'est calme. Bon, tu nous tiens au courant quand même. Ouais, hein. Bien sûr. Surtout combien ça va me coûter. Léo. Comment ça va, Léo? Salut, Coen, salut toute l'équipe, ça va? Ouais, mon pote, de quoi on parle dans un instant, Léo? Alors là, on va parler des filles qui utilisent trop de filtres. Ça, les filles marre, qui utilisent trop de filtres. J'en ai vraiment marre de ça. C'est ma soirée. Il faut qu'on en parle, mon ami, des filtres. On en parle. Ah, j'en ai trop marre de ça. Ne bouge pas, parce que des fois, il y en a, elles ressemblent plus du tout à la photo d'origine. Ah, ouais, vraiment, ça m'est arrivé, c'est horrible. Des fois, mettez la photo. Il faut mettre la photo d'une autre, hein, des comme fois. Zaya, c'est hein. On est sur énergie. Après, Shawn Mendes, ça? Non, c'est pas Shawn Mendes. Ah, si. You. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop, I Can you say you'd like me too? I just wanna give you the loving that you're missing, baby. Just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do. 'Cause I know I can treat you better than he can. Gentlemen, tell me why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you better, better than he can. No, better than he can. Better than he can. Énergie. Bon, attention dans le public maintenant, qui utilise des filtres quand on fait des snaps et des machins. En même temps, le but de snap, c'est se mettre des filtres sur la gueule. Quand non, même, non, attends, moi je viens d'en publier une sur Twitter, Koé officiel. Suivez-moi sur Twitter, Koé officiel. Dans 4500, on est 2 300 000 followers. C'est beau. Et là, on se fera une bonne bouffe et tout, machin. C'est beau. Dépêchez-vous, suivez-moi, Koé officiel, oui. Oui, mais Loris, faut que tu me parles. Que, ah oui, que on est toujours entêté, cinquième position. Merci, Bernardo. Ouais. Bon, alors, qui doit lever la main, et je demande de l'honnêteté, ceux qui utilisent régulièrement des filtres sur Snapchat. J'ai dit régulièrement, levez la main. Ah, arrêtez, Mais enfin, la demoiselle avec la casquette derrière, là, deuxième rang, tu utilises jamais de filtres. Si. Bah ma question était simple. Mais bon, la honte quoi. Enfin... Bah alors, pourquoi honte, la enfin, honte tout le monde en c'est utilise. Fait pour. Je repose ma question. Levez la main ceux qui utilisent de temps en temps des filtres sur Snap ou autre chose. On lève la main. Ah, okay. C'est ah, la seule. Voilà, levez la main ceux qui utilisent tout le temps un filtre. Mais ça, c'est honnête. Voilà, très bien. C'est quoi ton prénom au premier rang? L'INSEE. Tu en mets tout le temps? Oui. Eh ben, je comprends. Ah. Eh ben, c'est tout à ton honneur. Eh ben, c'est tout à ton honneur. Merci. Et cette objectivité, eh bien, bravo. Ah, oh, je déconne. Tu sais pourquoi je déconne? T'es mon bisou. Avec un filtre. Bon, hey, allez, on y va. On a Léo, il est pas content. Hein, des filles qui mettent des filtres. Allez, Léo, à toi. Allô. Ah, je viens de voir une photo de Mika. Oh non, mais c'est bon, arrêtez. Ça a été, t'as un filtre. Ah non, mais Mika, c'est le produit. Non, mais sérieux, sur le parquet. Attends, c'est un filtre gay, mon pote. C'est un filtre gay. Non, mais excuse-moi. Il n'y en a pas qu'un. Sur celui-là, j'avoue, tu ferais la couverture d'un magazine spécialisé que tu ferais la même. Fais voir, j'ai pas vu. Bah, excusez-moi. Ah oui, c'est la coupe de têtu. Mais oui, non, c'est ça. Bah, je sais pas, j'ai vu sa photo. Mais pas mal. T'as même le maquillage et tout, là. Ah non, je suis pas maquillé. Si, t'as mis une appli de maquillage. Les gars, c'est même plus C'est l'appli, je suis danseuse à l'Alcazar. C'est quoi c'est... Le mec, on voit même plus sa tête, on voit une moustache. On dirait chanteur d'Alliance Ethnique. Il se surkiffe, Kamel. Kamel, tu les envoies. Il se surkiffe, quoi. Tu les envoies à qui ces photos? À personne. À la meuf pour faire des rendez-vous professionnels. Ça colle. Le mec, il envoie torse nu, il fait je t'attends pour un rendez-vous professionnel. Et après, il envoie cette torse nu. C'est quoi qui paye? Le message, t'es bien faire la sieste. Bon, Mika, tu utilises trop de filtres, il va falloir que t'arrêtes. J'avoue, c'est vrai. Alors que t'en as pas besoin en soi. Mais merci, on va se dire un truc. T'en as pas besoin, mec. T'es pas non, mal. Mais j'aime bien, je sais pas, ça rend un truc plus joli, je trouve. Mais c'est pas plus joli, ça fait artificiel, ça se voit que c'est fait. Non, après, il y a les fils sur Snap, c'est les pros pour mettre des fils justement exprès. Avec les machins, les oreilles de lapin. Mais il y en a aujourd'hui qui vivent plus sans Snap. C'est-à-dire, ils font des vidéos avec Snap, avant ils font Snap, des photos sur Snap. Avant Snap, il y avait Retrica. Même Instagram. Tout le monde avait ce truc. Insta, c'est du filtre d'image, en fait. C'est pas du filtre d'image. Retrica, moi, j'ai vu des gens qui se changent la couleur des yeux. Ils ont plus de joues, ils ont plus de machin. Il n'y a plus que deux trous de nez, deux yeux, une mais bouche. Chez les filles, maintenant, t'as même des trucs genre You Can Make Up. C'est des trucs, tu refais le visage complet. Le maquillage, tu fais tout. Tu fais du contouring, tu fais tout. Sauf que Piette, quand tu fais une photo où t'es une nana, t'apparaît, t'as deux trous de nez, deux yeux, une bouche. Ouais, c'est vrai. Et ensuite, raison. Tu rencontres la nana, tu dis c'est marrant, entre tes yeux et tes trous de nez, il y a plein de boutons aussi que t'avais pas sur ton filtre. Ouais. Mais il y a un moment, c'est pas bien. Vous doutez bien que quand vous allez rencontrer quelqu'un, ça se voit. Que oui, mais c'est la suite du push-up pour les soutiens-gorge et du. Mais là, après, quand tu rencontres la nana en vrai, tu vois que c'est plus du tout la même chose. Ouais, mais avec le push-up, le Wonderbra, c'était la même chose aussi à la base. J'étais impersonné que la meuf, elle avait des seins énormes, et une fois que t'enlevais, il y avait plus rien, quoi. Quel enculé, Loris, qui fait des montages de sans maquillage, sans filtre, avec filtre. Ouais. C'est abusé comme ça lisse. En fait, il y a un filtre, c'est quoi sur Snap? Qui lisse de ouf, en fait. C'est encore ma tête, là, que je vois, si? Si, si. Oh, merde, mais non. C'est quoi ce filtre que tu utilises? Mais c'est Snap, en fait, c'est effet spécial, c'est Star Wars, c'est Georges Lucas. À la base, c'est Snap, après, je rajoute le filtre Insta, pardon. Ah, tu rajoutes un filtre. Et après, je fais le réglage sur iPhone, Festune, pour mettre un autre filtre en plus. Ah, il y a Festune aussi, Festune, c'est mortel. Tu veux pas mettre la gueule d'un autre mec pour gagner? Ouais, c'est ira plus vite. Mais David Beckham. Non, mais les couleurs, après, c'est celui-là qui utilise le filtre où t'es beau, quoi qu'il arrive. Ronaldo. Les couleurs changent et tout. Il y en a un sur Snap, toutes les meufs, quoi. Et il n'y est pas aujourd'hui, là. Non, c'est avec le. Les papillons avec le bandeau noir, là, sur les cheveux, avec le rouge à lèvres super rouge. Ça, tu le mets à n'importe qui, la meuf, en plus, comme ça, tu vois pas trop ses yeux et tout. Mais même celui que je viens de mettre en ligne, là. J'en ai mis les papillons, là. J'en ai mis en ligne avec des petits papillons sur la tête, là, pour décoller. Les papillons, le celui-là, mais tout le monde est beau avec celui-là. C'est la couronne de fleurs. Ouais, sauf que pour un mec, t'as l'air con avec la couronne. C'est ça, quand je le mettais avant, on prenait pour. Je mettais avec les papillons, pas viril. Hé, beau gosse. Hé, mais c'est moi. Fais voir. Regarde celui-là. T'avais quoi? Celui-là, il a disparu en deux secondes. On peut laisser Léo parler parce que depuis tout à l'heure, on gueule nous, mais c'est Léo qui voulait gueuler. Puis comme ça, va fouiller un peu dans son téléphone. C'est qui celle de droite là? C'était Margot. C'est une belle escroquerie, ce filtre. Il est mortel, ce filtre. Je sais pas comment il s'appelait. C'est le bandeau noir avec le rouge à lèvres. C'est clavé changiste, ça s'appelle. C'est un délire comme ça que j'aimerais me faire, moi. C'est la meuf qui se lâche. Non mais tu sais, avec les yeux bandés comme ça. C'est pas le sujet. Est-ce qu'on peut reprendre l'émission et tu reviendras sur tes délires fouettés? Pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ah d'accord, ok, on arrête pour faire une photo. Léo, on t'écoute. Léo, pardon, excuse-nous. Alors moi, il y a un truc qui m'a vraiment dérangé. C'est qu'un jour, j'ai rencontré une fille sur Instagram. Et que, en fait, elle mettait que des filtres et moi, ça se voyait qu'elle était grave belle et tout, je pensais. Et quand je suis arrivé, j'avais un choix, c'était soit vomir, soit courir, quoi. Oh. Elle avait des boutons, elle était pas belle et franchement, c'était horrible, quoi. Et j'en ai vraiment marre des filtres. Il a raison, le problème, c'est que des fois, les nanas, vous faites ça, vous ressemblez plus du tout à la photo que vous postez. Ah, mais vous, c'était tellement éloigné de ce qu'il y avait sur Instagram que j'ai failli vraiment courir et pas m'arrêter. C'est que maintenant tout elles sont toutes bonnes sur Facebook et compagnie sur Insta. Est-ce qu'il faudrait pas, la question que je me pose, c'est mufle, hein, mais est-ce qu'il faudrait pas le mec qui fait ce genre de rendez-vous le dire une bonne fois pour toutes à la nana? Arriver et lui dire mais tu ressembles pas du tout à ta photo. T'es belle, t'es dégueulasse. Ah, c'est dur. Ils sont où tes boutons là qu'on voit, on les voit plus sur la photo alors que t'en as plein. Le problème du filtre, c'est ça enlève les imperfections en fait. C'est ça. Ouais, mais il y en a des fois, ils ont tellement d'imperfections, il n'y a plus de visage. Et encore, la meuf, tu l'as vu maquillée, imagine sans maquillage. C'était un T-Rex la meuf, quoi. Là, il faut dire qu'elle s'était fait belle pour toi. Ouais, c'est ça. Ah, mais ouais, c'est ça le pire, c'est qu'elle a essayé, elle a mis du rouge à lèvres et tout, mais c'était dégueulasse quand même, quoi. C'est pas d'aujourd'hui. Maintenant, il y a la technologie qui fait que c'est encore pire qu'avant. Tu t'en sers pas tout le temps non plus, tu vois. Il y a un moment. C'est pire. Mais il faut qu'il y ait des vraies photos de toi, quoi. Mais imagine qu'il rajoute là-dessus le push-up là, sur les nichons, les talons, talons de 20 cm. Ah, mais tu peux être ultra bonne en photo, du coup. Hein. Ah ouais, là, t'enlèves tout ça. Et c'est pour ça le contouring. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut se méfier. Arrêtez de fantasmer sur les filles de la télé et les actrices de cinéma, les américaines et compagnie. Hein, parce que vous les voyez toujours, soit dans les magazines, ultra donc elles sont touchées à mort. Vous les voyez à la télé, elles sont maquillées à mort, elles sont contouring à mort et tout. Et le jour où tu la vois en vrai sans maquillage, bah regarde Zaya, hein. Ouais. Non, c'est qui pas le visage qu'on regardait le plus chez Zaya. Arrêtez de m'hypocriser, tout le monde matait son cul. Oui, mais elle était à peu près potable avec le maquillage. Était ultra canon de visage. Tous les mecs étaient fous de sa cambrure. Oui. Mais personne n'a vraiment dit quelle beauté, quelle belle tête. Regarde, on a vu passer des actrices, des américaines et compagnie. Sans maquillage. Tu les voyais sans maquillage partir au maquillage avant l'émission de télé. Tu te dis, t'as vu? Ah bah non, je l'ai pas vu. T'es sûr que c'était elle? Ah non, c'était ta concierge, quoi. Il y en a plein qu'on n'avait pas reconnu pour le coup. Mais grave. Non, je vous dirai pas qui. Ouais, sur la méthode. Je vous dirai pas qui, mais moi j'en ai même vu arriver des fois. Je dis non, oh là là. C'est pas elle. Non, le maquillage des fois pour les femmes. Des noms. Non, il vous sauve la vie. Hein. Ah si, je veux dire des noms. Sérieux, il vous sauve la vie parce que nous on peut pas faire grand chose. Mais vrai, vous, ça. Les filles, ils vous sauvent. Moi j'ai vu des filles venir à des émissions, il y avait 1h30 de maquillage. 1h30 à 2h de maquillage. C'est terrible quoi. C'est-à-dire que tu la vois avant, tu dis bonjour madame, votre fille est arrivée, elle dit non, c'est moi. Non, mais vraiment, vous avez de la chance là-dessus, les filles. Le maquillage vous aide. Nous, les mecs, on peut pas faire grand-chose. Ouais, mais le matin, quand on vous retrouve au réveil sans le maquillage, vous nous regardez, on n'a pas trop changé. Vous, c'est plus la même personne, quoi. Ah ouais, c'est bon, on se retrouve, on se couche avec vous et on se réveille avec votre mère, quoi. C'est abusé. Non, pas tant que ça. Et la mode du surmaquillage chez certains types de nanas, un peu cagole sur les bords, qui se surmaquillent pour sortir en club et machin truc, etc. Je pense qu'au réveil, tu dois te prendre une claque. Mais moi, j'ai connu une fille. Tous les matins, elle se levait. Non, mais attends, c'est horrible. La meuf se levait une heure avant son mec. Elle était personne. Toujours, tous les matins, quoi qu'il arrive, elle se levait avant son mec. Elle allait se maquiller, elle se recouchait. Pour que quand le mec se réveille, elle soit nickel. Elle se brossait les dents aussi. Et elle a fait ça pendant tout le temps qu'ils étaient ensemble. C'est pas un truc de ouf? On la connaît? Non, c'est pas la même. Non. Moi j'en connais. Mais se brosser les dents, c'est normal, Julien. Si toi ça te fait plaisir, de puer de la gueule le matin. Mais moi je me brosse pas les dents, je retourne pas dans mon lit, je suis toute fraîche et je pense à rien. Bah si, enfin tu te lèves le matin, tu puer de la gueule comme tous les gens en France. On est d'accord, mais je vais pas me brosser les dents pour me remettre dans mon lit pour faire genre dès au réveil, je sens dans le tifrice. Si ça te fait plaisir de puer la mort pour embrasser ton mec, vaut mieux sentir dans le tifrice. Non, tu reviens maquillé et en loup-boutin s'il te plaît. Je reviens pas maquillé, mais tu vas d'une nana qui se brosse les dents, je trouve ça très bien. Mais tu vas pas te recoucher derrière. Si, c'est pour faire plaisir à son mec le réveil le matin, il l'embrasse, elle sent bon de la bouche. Voilà. Et tu fais ça tous les matins. Et lui, il pue de la gueule. Voilà. Lui, il se lève pas. Parce que lui, c'est un bonhomme, ok. Lui, c'est un bonhomme. Un bonhomme, ça pue de la gueule. Bah non, je suis désolée, ça va dans les deux sens. Dans la nuit. Bah non, si je me lève, il se lève aussi. Je t'échange un bisou contre un paix. T'es mon bisou. Je fous de toi, je veux mon bisou. Mais tu pue de la gueule. On vient de bouger, gros. Bon, Léo. Tu as raison, mon gars, on n'y changera trop, rien. Faudrait vraiment les interdire, ce type. Mais non, à bientôt, mon copain. Ça ira pas en s'arrangeant, je te le dis. Non, mais faudrait les dénoncer. Envoyez-nous des photos de nanas qui ont des filtres et sans filtre. Ça peut être marrant de voir. Ouais, franchement, on devrait les envoyer. Mais dans la presse, ils sortent de plus en plus. Mais c'est même une mode maintenant chez les actrices et compagnies qui se font. Mettre les no make-up. Ouais, mettre hashtag no make-up, là. Mais bon, je ne les reconnais pas. La tête de ma belle-mère. Le pire, c'est les actrices porno. Gros bisous. Il y avait un truc qui était passé sur les actrices porno avant et après maquillage, mais là, c'était horrible. Je m'en souviens de ça. T'aurais jamais fait l'effet avant. Et surtout, le pire, c'est au début du film et à la fin du film. Ouais. Le maquillage, il a servi à rien. Quand tu vois ce qu'elles font à la fin, je vois que celles qui sourient dans le public sont celles qui déjà regardent des voix et qui voient de quoi je parle. Restez avec nous. Voici Ken Jones qui sera notre invité dans quelques jours. J'adore ça. Chorégraphie pour ceux qui savent le faire. On y va. She telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, don't matter to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mada. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go. You know I love them all. African American. For for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me, to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mara. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mara. Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She from Africa. But she fuck me like she Haitian. Ass black, but the eyes looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape, she on candid camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina, she from Arizona. Then I met a girl in Cali, I never disown her. She got that high grade, her weed come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me, to me. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mara. And she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mara. And she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mara. And she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mara. And she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. Le soir, sur Énergie, écoutez mes jingles. Oui, bon, il y a Koé aussi, mais bon, il y a surtout mes jingles. Koé, 19h, 22h, sur Énergie. Oui, on est là. Kinvé dans quelques jours. Donc je l'appelle quand même. Et on sait si ça va ou pas. Il a été opéré de quoi? Oh, d'un petit truc, dit, c'est rien de grave. Je vais prendre de ses nouvelles. Je vais l'appeler. Qu'il va décrocher, peut-être qu'il se repose. Ouais, hein. Bah ouais. Elle l'appelait. Attendez, je vais prendre de ses nouvelles. Occasion, j'ai tombé sur son répondeur. Pourquoi ça sonne pas? Il me trompe. Ouais, c'est trop. Trompe. C'est avec un autre. Messagerie Orange, bon. Il me trompe. Et avec Kenji. Oui, c'est ça. Non, c'est mais il se repose. Dans un instant, il y aura le Jacques Addy. Oui. Le principe du Jacques Addy, c'est d'appeler Jacques. La sanction aujourd'hui, c'est faire un boomerang en se prenant un seau d'eau dans la gueule. Oh. C'est ça. Oui, et c'est Jacques qui nous dira qui de l'équipe entre Julie, Pietre, Guiguette. C'est Jacques qui va décider. Et toi? Et Loris? Et toi? Et toi, tu vas le faire quand ton dab dans la rue, là? Bah, mets-le. Ah, vas-y, ouais. genre, monsieur l'a bien répété. Attention, vas-y. T'es prêt? Tu sois dans les starting blocks. Voilà. Dès que t'entends la musique, non. Même si tu bois un coca, tu manges des frites, t'es aux toilettes. Ouais, tu balances le bras. Ouais. Ouais. Ça fait un peu n'importe quoi. Hey, c'est quoi cette danse orientale là? Fais la danse du ventre. Qu'est-ce que c'est que ça? Travaille ton dab, mec. Ouais. Tu t'entraînes, hein, tu vas te faire vanner sinon. Parce hein. que là, attention, t'as prêt à tout moment. Non, mais il faut que tu le fasses plus franc là, t'es en mode trop. Ah, t'es trop cool. Mais ouais, faut y aller, il va te montrer le petit. Vas-y, lève-toi, montre-lui, regarde. Ouais! Oh là! Ah là là, il y a un fight quoi! Ah ouais, comment t'as mis là? Voilà! Quel est le prénom de ce jeune homme? Il t'a mis une branlée? C'est une fille. C'est un garçon. Le prénom? Je crois pas. Le prénom? Sofiane. Ah, on ne sait plus. C'est un garçon, Sofiane. Mais il nous a dit que c'était une fille tout à l'heure. C'était pour vous faire chier, je crois que tout le monde est tombé dans le panneau. Ouais, c'est un petit vanneur. Ah, on est tombé dedans, ah, on était mal à l'aise. Ouais, parce qu'en même temps, on se disait pour une fille quand même, pas bien réussi. Ouais. Mais c'est là qu'il dit, je suis monte tes couilles.

Tous ces tatouages sont récents. Elle ne se rappelle plus qui elle est, ni d'où elle vient. Vous la connaissez ? Non. Alors pourquoi votre nom est marqué sur son dos ? Inédit, Blind Spot, demain à 20h55 sur TF1. Como tú te llamas, yo no sé. De dónde llegaste, ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. Como tú te llamas. Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita. Mirando una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita. Ven, dale ahí, ahí, mami, vamos a darle. Rumbeando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé. Me voy acercando hacia ti y te digo suave al oído. Escúchame, mami, yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Y tú me dices, estás muy loco, deja eso, mami. Yo te estoy queriendo. Siento algo por dentro. Me muero por llevarte. ¿Cómo tú te amas? Yo no sé. Qui nous écoute, puisque tous les soirs on est numéro 1 dans les camions de police. Oui. La police, quand même, faut que vous sachiez qu'elle est allée frapper à la porte d'un couple australien pas moins de 20 fois en 4 mois. 20 fois, c'est énorme, pourquoi ? Et le monsieur sait pourquoi ils sont venus 20 fois. Il le sait, le mec. Non, ils fument pas du cannabis. Non. Non, ils écoutent pas la musique trop fort. Le mec, il a dit, c'est la faute de Jesse. C'est sa femme. Ah. Nos débats durent de 4 à 7 heures. Wow. Non. 5 nuits par semaine. Oh. Le mec, il a dit, je vais probablement mourir d'une crise cardiaque, elle est presque en train de me tuer. La police leur a demandé d'arrêter de faire du bruit et même de plus faire l'amour du tout, sous peine d'avoir une amende de 3000 livres, ce qui est beaucoup, ça fait 3700 euros. Hein. Vache. T'imagines ? Comment il fait ? Et 4 à 7 heures, c'est pas impossible. Les gars, attends, arrêtez. Les flics se sont déplacés 20 fois en 4 mois. C'est qu'il y a une raison quand même. 7 heures. Même 4 heures. Puis ça veut dire qu'en plus, ça doit être. Ouais. Oh, non, mais c'est insupportable. Ça doit être horrible. Faites des bisous. C'est moi, des t'imagines, le mec. Il a une bite, c'est Iron Man, le mec. C'est-à-dire que le zizi du monsieur, il a fait plus l'amour en une semaine que la bite de Mika en 5 vies. Non, mais c'est ça qui est fort. Et je dis pas ça pour casser ton coup professionnel qui nous écoute. Oui. Mais on l'a peut-être pas prévu. Ouais, ah on oui. pas dit. Cette demoiselle, si elle nous écoute, oui, pardon, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est 7 secondes. Le combat en vaut-il la chandelle ? Enfin, la chandelle. La petite bougie de gâteau d'anniversaire. C'est bon, on passe à autre chose, merci. Allez, rendez-vous sur Milo sur Énergie. Dans un instant, Aurélie. Lui faut ton petit coup. Sinon, elle est pas bien. Les rues de Mexico, au carnaval de Rio, on ne peut pas se manquer. Partout, on entend l'écho. Dans quelques heures, on sera dans les airs quelque part. Je n'emporte que tes bras et sur mon dos ma guitare. Ce rêve en tête, et maintenant tu t'entêtes. Sois légère comme une plume. Laisse-toi tomber en arrière et confiance en tes airs. Suis-moi, suis-moi sur la lune. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get there, we'll be. D'Hawaï sur le palmier de Dubaï, à deux on imaginait un petit monde à notre taille. Allons faire le tour du monde et pas dans quelques secondes, pas le temps d'hésiter, de nous faire tourner en rond. On avait ce rêve en tête et maintenant tu t'entêtes. Sois légère comme laisse-toi tomber en arrière et confiance en tes airs. Suis-moi, suis-moi sur la lune. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over soon. I'll see you when you get there. But until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset. Summer will be over. Saison sur Énergie, ils ont dit. Ah non, on est mal. Oh, on est mal. On est très mal. Coé, 19h, 22h sur Énergie. On c'est est bien mal. Ce qu'on vient d'écouter, c'était quoi? J'adore. Milo. Ah ouais, c'est cool. Alors, ah, si, on est sur sympa. Énergie. Julie, tu n'as plus le droit de dire. Ah non, j'adore. S'il te plaît, s'il te plaît. D'accord. Je suis fan. Aurélie! Oui. Aurélie, tous les matins, elle aime bien qu'on lui touche le... sinon, elle n'est pas contente. Alors, il faut qu'on te fasse l'amour tous les matins. Qu'est-ce que ce truc? Ouais, c'est trop bien de faire l'amour le matin. T'as pas de réveil. Ça te décharge de toute la tension et tout. Ah ouais, c'est surtout l'autre que ça décharge. Mais Qu'est-ce qu'il y a, bien? Non, non, mais... J'ai rien dit. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai rien dit. Ça décharge? Non, j'ai rien. Qu'est-ce que t'as dit? Il a dit c'est surtout l'autre que ça décharge. Bon voilà, t'assumes ta vanne, elle est pas très bonne. Dépend, ça dépend les femmes, mes chers amis. Oh non, ça devient dégueu là. Ouais, non, non. Bon, allons-y. Bon, dans les faits, rien que les faits. Allez, j'ai supprimé tous mes interviews. Les faits, rien que les faits. Allez, on y va. Bah non, mais tous les matins, moi, il faut que je fasse l'amour. C'est vital. Et sinon, si tu le fais pas? Ah bah je suis trop mal pendant toute la journée, je suis hyper énervée, j'envoie chez tout le monde. Arrêtez. Non non. Bah il y en a qui sont plus mais du matin que du soir. Non, vous trouvez pas que le matin c'est trop bon? Si, moi j'aime bien. Julie, oh, on revient dans un matin. Débat. Julie. Ah, moi, c'est le moment préféré le matin, ouais. Je crois. Bah ouais, bien sûr. Un puage de gueule, là. Ah ouais. Tu trouves pas des belles. Une espèce de petit ramor sous la dent. Mais avec toi, tout le monde doit puer de la gueule. Bah, le matin, on ne parle pas forcément de la gueule. Non. Déjà, tu vois des gens, ils parlent à 10h du matin, c'est une infection. Alors à 7h, t'imagines un peu. Ah bah non, évidemment que ça pue de la gueule le matin, tout le monde. T'es pas obligé de rouler des pelles à 6h du mat, tu peux faire d'autres choses. Nettoie jamais le matin. Ah oui, plein de choses. Vais, à 6h le mat comme à 23h, on fait toujours plein de choses. Franchement, t'es à peine endormi et tout. Je ne supporte pas le matin. Je n'aime pas du tout ça. C'est mon corps qui aime pas ça. C'est mon mais corps. C'est tellement beau. Mais ça, il est là. Et il n'est pas éveillé encore. Il n'est pas réveillé. Mais justement, c'est de l'éveil. Je suis comme 90% des gens. Moi, le matin, j'ai qu'une envie, c'est d'aller pisser. Mais alors, pas du tout qu'on m'ennuie à me toucher la bite. Pardon, alors, mais j'ai envie d'aller pisser. J'ai envie de me lever. Moi aussi, mais je vais faire pipi avant. Peut-être un pipi. Deuxièmement, café. Et après, éventuellement, on pensera à ça. Mais quand je dors, t'es là, ton bras, il pèse 2 tonnes parce que t'es pas réveillé. T'essaies de bouger ton corps. Tout est un truc. Toi, Julie, t'as rien à mais faire. Mais t'es trop bien, t'es au chaud et tout. Mais non, mais c'est tu fais bonne. Ouais, non, mais le matin, tu gagnes du temps en plus. Non, mais surtout, tu fais pas la même. C'est pas la même chose que le soir. Le soir, tu fais des. C'est la gymnastique, c'est les machins, la tête dans l'oreiller, tu t'accroches au rideau et tout. Ouais. Le matin, c'est plus zen, c'est plus cool. Tu fais pas de figure le matin. Mais oui. C'est pour ça qu'on appelle ça le petit coup du matin. Mais on a transpiré la nuit, on sent pas bon. Arrête, on transpire pas la nuit. Ça m'énerve. Tu transpires des tonnes. Je transpire pas la nuit, je suis désolée. Je pue pas la transpiration quand je me lève le matin. C'est je prends une douche avant de coucher. C'est pas une question de puer la transpiration, c'est qu'une question que ton corps a transpiré. C'est pas pour, parce que tu transpires. Oui, mais que tu te laves avant de te coucher. Mais t'as transpiré. Excusez-moi, je vous donne un détail tout con. Mais tes jambes, elles ont passé 8 heures serrées l'une contre l'autre. Tu vas pas sentir là. Excusez-moi, elles ont. Alors oui, mais alors quel est l'intérêt? Non, tu ne demandes pas d'aller à cet endroit-là. Il faut être organisé. Attends, j'ai pas fini. Tu sens pas de cet endroit-là. Tu roules pas une pelle, donc pour vous le matin, on met sa bite dans maman. Bah oui, c'est ça. Sur l'oreiller, tu te réveilles. Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Ça s'appelle. T'as entendu parler de l'éveil musculaire le matin? C'est pas bon de te lever et de partir d'un coup. Ça n'a pas d'intérêt. C'est un échauffement. Voilà, c'est un échauffement. Et ben, je trouve que c'est tirer son coup de façon animale et c'est juste histoire de si j'ai pas. Mais non, justement, il y a rien d'animal. Si j'ai pas tiré mon coup, je me sens pas bien. Bah moi, je suis désolé. C'est pas ça. C'est le but du jeu, c'est l'amour. C'est on se fait des bisous. Je vous le mets. Voilà, on se fait des bisous, on se roule des pelles, on se les chouille, on se caresse, on prend le temps, on y va doucement, on y va plus fort. Le matin, si t'es en position cuillère, parce que tellement tu pues de la gueule que tu te parles pas, tu fais tourne-toi, c'est mieux. Et puis là, et puis genre, t'es là, tu es comme ça, puis tu te secoues un peu comme mais ça. Mais c'est pour ça que toi, c'est vous ça. Vous la voyez l'image du réveil? C'est ça qui me rend ouf avec toi. C'est que toi, faire l'amour, le sexe, c'est un truc, performance. C'est un formulaire à remplir. Il faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Mais non. On t'a jamais réveillé avec une mais c'est ce que je viens de dire. Où est le problème si j'ai envie de le faire avec un arbitre du Guinness Book qui en c'est permanence ça, c'est ridicule. On t'a jamais réveillé. Il n'y a pas de règles. Heureusement. Bien sûr qu'on m'a avec déjà réveillé. Avec une gâterie. Mais je vais vous redire un truc. Et c'est pas je bien. Je n'aime pas ça. Non, j'aime pas ça. On te réveille en te faisant une gâterie, tu n'aimes pas ça. Parce que je suis pas excité, parce que j'ai le zboob en mode dodo. Il est en mode. Il est au taquet parce que t'as envie d'aller aux toilettes. Il est au taquet quand même. Mais ça n'a rien à voir. C'est une contraction de ton péri, de ta vessie, de machin, de tous les muscles. Bah non, je suis désolé. Si t'as dormi à côté d'un petit cul toute la nuit, il y a un moment, voilà, le matin, il est content, il est là. Bah tiens, où ça rentre, ça va, ça rentre là. Bon, mais voilà, c'est parti. Bonjour madame. Vous savez quoi? Faites vos cochonneries le matin. Allez-y, puez de la gueule du cul de partout. Mais si Nana. Si Nana, te réveille, la gueule, je me tourne plus du tout, moi je vais mettre comme ça. Tu dors avec une nana, ça t'arrive de dormir avec des nanas quand même. Tu m'écoutes ou pas? Ça t'arrive de dormir avec des nanas? C'est arrivé. Si la nana te réveille en te faisant une gâterie, qu'est-ce que tu fais? J'aime pas. Non, mais tu la repousses? Je la repousse. Mais je vais pas vous dire ça, vous me demandez si j'aime bien. Non, mais réponds à ma question, tu la repousses? Mais répondez, monsieur Koé. Mais non. Tu enfin, des fois, pas tu vas, des fois, tu vas chez dans ta famille, elle te fait de la bouffe de merde, tu finis ta table manger quand même. C'est tu quoi vas pas ce... repousser l'assiette. Bah, excusez-moi, tu fais ta copine, elle te fait l'amour. Ta copine, elle te fait l'amour, t'as pas très envie, c'est le matin. C'est quoi cette comparaison? C'est ce que je dis. Des fois, ta mère, elle t'a fait un plat qui est pas bon, tu le finis quand même. Parce que tu vas pas faire de mal. Mais il a raison. On est d'accord. Elle est claire, ma comparaison. Il aime pas ça, mais il subit en fait. Tu subis subis ça. Mais comment tu peux dire que tu subis? Parce que c'est pas toujours bien. Il y a des moments, t'as pas envie. Excusez-moi. Et toi, quand la nana te fait Julie, ça, ça t'excite pas derrière? T'as toujours envie, toi? Ton mec, il serait derrière, bam, il t'attrape au machin, tu dirais oui. C'est pas le bon exemple, Julie, je pense. Regarde. Excuse-moi, il y a des moments, t'as pas envie. Voilà, y a des... Et moi, le matin, je dors, je réfléchis. Non, mais il y a des moments où t'es fatigué et t'as pas envie, mais le matin, t'es reposé. Donc, t'es... tu peux pas dire que t'es fatigué le matin. Mon corps, il est ailleurs. Mon corps, il est encore. Mais justement, c'est ça qui est bien. En train de courir avec Michael Jackson sur un poney qui fait des caca arc-en-ciel. Moi, je dors là. Oui, mais c'est ça qui fait kiffer. C'est que ton corps, il est encore endormi et que ça se réveille en même temps. Il faut le laisser dormir. Faut pas lui foutre la paix. Quand il dort, il dort. Donc, il y a un moment. Mais vous me demandez mon avis à moi. Putain, on a le... Mais c'est quoi? On a le droit de pas aimer. Faut aimer le matin alors. Stouff, donne ton avis un peu. Ah non, pas le matin non plus. Ah merci. Ah, ah merci Ben. Mais parce que tu pues de la gueule. Enfin, excuse-moi, il faut arrêter. Stouff, ton mec te chauffe et le matin, tu le repousses. Non, pas le matin, non. Il prend une douche avant, il vient me voir après. Merci. Mais vous sentez tous de la bouche le matin, pardon. Mais on sent pas des pelles. Tu la sens l'odeur vaguement de l'autre. Mais n'importe quoi, tu crois que tu sens la langue berger, toi, le matin? Enfin, sérieux. Mais si elle tourne le dos, c'est pour ça que le matin, c'est la cuillère, c'est son côté. Voilà, c'est un réveil. Et donc, c'est animal. Ça a aucun plaisir, ces gens. Eh, on le fait. On se met sur le côté. Mais non, pas du tout. On est comme ça, là. On est comme ça. On est bien, là. On est bien. Tu te tournes. Là, tu fais l'otari, là. Non, parce que je fais une barre. C'est la cuillère, pas l'otari. Et donc, tu fais la cuillère. Tu te retournes, ma chérie. Bah non, parce que je fais un peu trop de la gueule. Tu as raison, notre alors. Pas à ça. Bah non. On se dit pas attention, je vais me retourner parce que je pue de la gueule. Le matin, dans le truc. C'est horrible. Et on t'évites de rouler des pelles, quoi. Et c'est ouf. On a le droit de trouver ça nul. Enfin, c'est un truc de dingue. Ouais, on a le droit de trouver ça bien parce aussi. Parce que toi, on te cartoucherait n'importe où. Tu trouves ça génial. Tout le monde doit être d'info comme toi. Mais pas du tout. Mais t'admets pas que ça peut être d'info. Et de deux, j'ai le droit d'aimer aussi. Tu dis que t'as le droit de pas aimer. On a le droit d'aimer aussi. Je vous demande pas de partager mon truc, mais je vous demande pas de. À la différence, c'est que je vous ai pas demandé de vous rejoindre à moi. Mais moi non plus, je t'ai pas demandé de rejoindre à moi. Ouais, c'est génial. Mais non, mais c'est étonnant. Mais c'est la gueule, on se retourne. C'est bien. C'est incroyable. Mais non, mais on sait très bien que t'aimes ça. On sait très bien que t'aimes le sexe. D'accord. Et c'est très étonnant que pour quelqu'un qui aime le sexe, tu n'aimes pas le matin. C'est juste ça. Parce que j'aime ça quand c'est bien fait et j'ai besoin d'être mais réveillé. Ça peut être très bien et fait le matin, je ne suis pas assez réveillé. C'est un fonctionnaire de la teub, lui, il cherche pas. C'est tout l'inverse. À 17h. C'est tout l'inverse. C'est justement parce que je suis pas un fonctionnaire de la teub et que c'est justement parce que votre côté tout pourri à vous retourner en disant je pue de la gueule, donc on se retourne, on fait la petite cuillère, c'est vous les fonctionnaires de la teub. Parce que moi, justement, j'aime faire des choses étonnantes et je sais que le matin, ça ne sera pas étonnant. Et c'est vous, en vous mettant sur le côté en mode hey, sur le côté, c'est vous les fonctionnaires de la teub. Torché dans ton cul. Mais non, parce que on fait des bisous. Voilà, mais non, tu pues la gueule, je ferai pas. Mais n'importe mais quoi. Mais si, c'est comme non, ça. Parce que toi, c'est toujours de la même manière, du coup. Oui. Mais c'est ouf, toi. Demande à ta femme. Elle m'a dit que c'était toujours la même manière. C'était chiant. Ouais, mais parce que j'étais pas en forme, c'était le matin. Mais non, mais justement, c'est parce que justement, je ne supporterais pas de faire ça à la cuillère comme parce ça. Parce que cette position, la cuillère, autant moi le soir, je la fais pas. Parce qu'effectivement, c'est ouais, un peu. C'est trop mou. Ouais. Mais pour le matin, c'est génial. Tu te réveilles tranquille, t'es encore allongé. C'est génial. Ouais. Et pour un peu, tu t'es. Parce que regarde, tu t'es couché bourré avec la meuf. Donc voilà, en fait, elle est moche, mais tu le sais pas. Ah, donc tu la vois pas. Parce que la nuit, c'était super, t'étais bourré, tu t'en rendais compte. Et le lendemain matin, tu peux remettre un coup et tu vois pas sa tête. Et c'est seulement après que t'es déçu. Mais moi, tu t'es fait plaisir deux fois. Et ouais. Voilà. Je déteste cette position. Pourquoi tu détestes? Mais parce que maintenant, je peux vous le dire, une fois, je me suis rendormi. Ah, mais c'est pour ça, pas engueulé, en fait. C'était comme ça, j'étais sur le côté, puis je me suis fait bercer. Je me suis fait bercer par le mouvement et en vrai, j'ai entendu. Hey oui. Ah, oui, pardon. Non, c'est pas moi, je réfléchissais. Mais non, mais j'aime pas le matin. Puis, bon, bah écoute. Hein. Mais tant mieux si tu aimes bien, Aurélie. Et ton mec, tous les matins, il le fait? Ouais, il adore aussi. Bon, bah, tant mieux. Il attend ça le matin, il a une barre de ouf. D'ailleurs, s'il m'écoute, tu fais un petit bisou à Maxime. Il a une barre de ouf. Et à demain matin. Vivement demain matin. Mais ça arrive quand même le soir, rassure-nous. Ah oui, bah bien sûr. Ah, tu mets pas de veto, genre non, pas le soir, que le matin. Ouais, c'est n'importe où, n'importe quand. C'est justement gars, ça qui est bon. Il est obligé de faire ça tous les matins aussi, c'est la pression. Ouais, ça j'avoue. De savoir que t'es obligé de faire. Tous les matins. Ouais. Après, non, le matin, ouais, le matin. Non, mais c'est. Après, t'as toute la tension qui s'en va. T'es boosté pour toute la journée, quoi. Et on n'a pas parlé de la pleine nuit. Hein. Du réveil en pleine nuit à 4h du mat. Qu'est-ce que c'est mais bon, à pleine nuit, c'est encore. Bah oui, moi, il travaille de soirée. Donc, Je vous en parle pas. Non. D'accord. Être réveillé en pleine nuit, c'est l'amour quand? Comment ? De 20h à minuit ? Bah non, on est là jusqu'à 22h. Non, pendant les pubs. De Joséphine Ange Gardien. Quand moments, est-ce que tu fais l'amour ? Mais il y a plein de moments. La journée ? Plus ? Mais non, bah, le soir, mais pas trop tard. Juste entre 23h et 1h du mat, quoi. Voilà. Alors, moi, j'ai un gros problème. Je sais que Julie, elle va te dire que oui. Je sais ce qu'elle va dire. Elle va dire oh, moi, j'adore. C'est quand tu bois un peu genre champagne ou tu bois un peu que tu as bu pompette. Un peu. Ouais. Julie, quand elle a bu, elle, c'est là que ça l'a. Ah bah là, c'est feu d'artifice. À toutes les meufs, en gros. À toutes les filles. Hein. Quand, à partir du moment, quand, avant qu'elles soient bourrées, juste au moment où elles sont pompettes, là, tu fais ce que tu veux. Ouais. Eh ben moi, tu me fais boire deux coupes, je m'endors. Oh là là, putain, mec. Moi, tu me fais boire deux coupes, c'est fini, il n'y a plus personne. C'est pour ça qu'on se retrouve sans lui en soirée. Il boit deux coupes et il s'esquive après. Il va dormir. J'ai un problème avec l'alcool, moi. C'est donc c'est pour ça que je bois pas déjà, mais c'est vrai que pour le sexe, pour moi, c'est pas bon. Du coup, tu fais jamais de sexe sous alcool ? Non. Sachant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, ouais, hein, rappelons-le. Ouais. Mais même deux coupes, lui, c'est plus de la, c'est pas de l'abus, c'est là. Hein, c'est Jamais. Non. Ah, c'est pas très rigolo. Ouais. Bah voilà. Que Julie a mais t'as pas besoin de ça pour être performant. Absolument. Quand contrairement ça à Mika. J'étais obligée. Bon, Aurélie, t'as remarqué, Mika, tu nous as fait un débat qu'on aurait pu continuer encore plus tard. Ouais. Ah, attends, il y a plein de messages qui arrivent. Une turlute le matin fait toujours du bien, ça va. Ah, tu vois. Je suis entièrement d'accord avec toi, Sébastien. Waouh, on se voit quand ? Ah, d'accord. D'accord. Ouais, il y a plein de messages. Il y a plein de gens qui ne sont pas du matin, excusez-moi. Ah bah, heureusement. Ouais, qui est du matin dans le public? Ah bah non, ils sont jeunes. Ils sont jeunes, quoi. Ah, interroge-moi la maman du deuxième rang, s'il te plaît. Ah oui. Sa fille à côté, gênant. C'est encore mieux. Voilà. Bonjour. Alors, le petit coup du matin, maman. Alors, on est plutôt matin ou soir? Plutôt soir. Plutôt soir. Oui. C'est on peut demander à ta fille si elle entend ou pas. C'est Lorraine, c'est ça? Lorraine? Pardon? C'est Lorraine à côté, hein. À côté, non, c'est Nolwenn. Nolwenn. Oh, ça va, je ne chipote pas, hein, pas pour deux syllabes. Nolwenn ? Non, j'entends rien. C'est sûr ? Ah bah c'est sympa pour le papa. Ah, c'est... Oh, c'est peut-être, c'est il n'y a rien de plus gênant. Peut-être très calme maintenant, non ? Non, disons que ça peut être ouais. Discret. Ouais, discret, c'est ça, c'est quand on ne fait rien. Ou alors on attend qu'il dorme. Hein. Ouais, mais... Oui, oui. J'avoue, c'est gênant, n'empêche quand les enfants grandissent et qu'ils entendent. Bah, évidemment, vous me dites pas que vous avez jamais entendu vos parents le et faire. Et qui tape à la porte ? C'est fini, vous, aujourd'hui ! Nous, on veut réviser quand même maintenant ! Ouais, ça doit être gênant. Je crois qu'on en parle de ça un jour. Oui, si vous avez déjà entendu vos parents. Enfin, un dossier si vous avez déjà entendu. Ouais. Parce que je pense qu'à un moment donné. Ah bah oui, mais c'est obligé, tout le monde a entendu. Ouais, je pense moi, que je crois pas. Julie ? J'ai pas le souvenir d'avoir entendu mes parents. Ah bon ? Guéguette ? Bah oui, mais pas ensemble. Ils étaient séparés, hein, mais du coup, je les ai entendus l'un et l'autre. Ah ouais. Ah, c'est gênant. C'est vrai ? Ouais. Moi, j'encourageais, moi. Allez, papa ! Allez, Mio ! Non, pas vas-y maintenant. T'es un champion ! C'est qui le meilleur ? C'est papa ! C'est qui le meilleur ? C'est papa ! Mika ? Ah ouais, souvent. Ouais, ouais. Ah ouais, ah ouais quand j'étais jeune, ouais. C'est ouf. Mes grands-parents. Ah ! Non, réessaye avec tes dents, c'est mieux. Reprends-les. Ah, t'es dans l'oreiller là. Bon, là, je suis où? T'es dans l'oreiller encore. Ah non, et là, c'était comment? Quel âge ils avaient, papy, mamie? Je sais plus, mais moi j'étais jeune quoi. J'avais... Mais à peu près, quel âge ils avaient? Attends, ils ont quel âge? Bah, je sais pas, c'était grands-parents. 60, hein. Ils avaient la fin de soixantaine. Ah ouais? Fin de soixantaine? Ah ouais? Ça marche encore? Ah bah, ça. Ah oui, chez les stouffes. C'est surtout quand ça marche, tu le fais. Hein. Ouais, c'est quand, ça. Hein. Parce que quand t'es un mec, t'as 60 et plus, tu... Ouh là là, c'est le moment, faut y aller là. Mais je suis en train de faire un petit plat. Non, on n'attend plus. Et alors, bon bah écoute. C'était gênant. Je peux comprendre. Ah bah oui, tu m'étonnes. Je te fais un gros bisou, Aurélie. Je t'embrasse fort vivement demain matin. Reste avec nous dans un instant. Il y aura le Jacadi après Lady Gaga sur Énergie. C'est le nouveau. Trying to keep control, pressure's taking its toll, stuck in the middle zone, I just want you alone. My guessing game is strong, way too real to be wrong. sur Énergie. On va revenir dans quelques instants. Hein. Une seule radio joue tous les hits. Énergie. C'est Énergie. Leclerc. Maman, viens voir. Quoi? Si je te dis je veux du volume 6, la cils zéro défaut, mais j'ai pas de temps à perdre pour me maquiller et je veux aller vite. Oui, bah quoi? Maman, mascara volume flash de Rimmel. Regarde, avec 40% de réduction en ce moment chez Leclerc. C'est parce que la beauté est à prix irrésistible chez Leclerc que du 6 au 17 septembre, le mascara volume flash de Rimmel avec 40% de réduction immédiate est à 4,17€ après réduction. Voir modalité dans les magasins participants. Bon, je t'en prends un, je m'en prends un. Mais le mien reste le mien, on est bien d'accord? Promis, Mamoun. TF1. Demain, Blindspot, votre nouvelle série événement. Qui est cette mystérieuse jeune femme retrouvée amnésique, le corps entièrement recouvert de tatouages? Tous ces tatouages sont récents. Elle ne se rappelle plus qui elle est, ni d'où elle vient. Vous la connaissez? Non. Alors pourquoi votre nom est marqué sur son dos? Inédit, Blindspot, demain à 20h55 sur TF1. Bon, alors, t'as choisi ta montre? Bah, je sais pas, une montre mécanique, plus classique, ou une montre connectée, plus techno. Bah, j'hésite. Oh là là, qu'est-ce que ça va être quand on va changer de voiture? Bah, un Nissan Qashqai. Certains choix s'imposent d'eux-mêmes. Pendant les journées technologie Nissan, Nissan Qashqai est à partir de 249€ par mois avec 4 ans d'entretien inclus. Pour Nissan Qashqai Vizia D GT 115 et l'LD 49 mois avec 2000€ d'apport jusqu'au 30 septembre si Accordiac. Entretien hors pièces d'usure et pneus, portes ouvertes du 16 au 18 septembre. Nissan, innover autrement. J'étais chez McDo, je commande un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'attrapent et me poussent dans une camionnette. Non. Alors là, on arrive dans une base spatiale où des ingénieurs me demandent à moi comment orienter leurs fusées qui vont faire décoller. Chaud ! Mais t'es calé ton fusée ? Pas des masses. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, évitez de grignoter. Énergie présente la Technoparade. Rendez-vous le samedi 24 septembre à Paris pour le plus grand événement électro de France. La Technoparade. Au programme, les meilleurs DJ français et internationaux du moment avec des sets house, dubstep, drum and bass, trance, techno, hardcore et électro. Plus d'infos sur technoparade.fr. La Technoparade, le 24 septembre à Paris. Un événement Énergie. It's music only. Proposition indécente, demain à 20h55 sur Chérie 25. Certaines choses ne sont pas à vendre, mais est-ce bien vrai? Jusqu'où iriez-vous par amour? Demi Moore et Woody Harrelson vont devoir répondre à la proposition de Robert Redford. Proposition indécente, demain à 20h55 sur Chérie 25. Cinéma ou fiction? Chérie 25, tous les soirs, un film. Nous sommes là, est-ce que le public personne. Va bien? Bah non, il est plus là. Il est sorti. Alors, c'est le moment. Attendez, moi j'enlève ma ceinture. Je vais demander à mon équipe de venir. J'ai peur là. Guéguette, tu viens avec moi? Ouais, j'arrive. Mais on n'a pas eu Jacques. On a pas eu Jacques. Attendez. Guéguette, tu viens avec moi. Je prépare au cas où quoi. Qu'est-ce que tu veux, mon Loris? Ben qu'on appelle Jacques, non? Oui, mais qu'est-ce que tu fais avec mon téléphone? Ah, je le mettais en charge. Mais pourquoi tu vas le mettre en charge? Il est chargé. Ouais, tu m'as dit qu'il allait s'éteindre. Mais non, c'est pas ça. Ah, d'accord. C'est que je dis qu'il va passer en sécurité, je vais devoir le rallumer. Moi, je perds mon fut, du coup, j'ai enlevé ma ceinture. Mais... Pourquoi t'as enlevé ta ceinture? Bah, parce qu'elle est en cuir et j'ai. Mais attends, c'est pas dit que tu le fasses? Bah ouais, mais on sait jamais, j'ai peur. Donc je me prépare. Tu vas te mettre à poil en fait, c'est ça? Ouais. Bon, vas-y. Oh là là, moi, faut pas que ça tombe sur moi, je vous le dis direct. Avant mon régime. Parce que j'ai 50 km à faire là. J'ai perdu un peu mon front. En scooter. Il ouais, faut que je reste là pour faire le Facebook. Ah non, vous venez tous, on sort. On va tous dehors. Ouais, mais on va pas entendre la réponse de Jacques. Ah oui. Venez, mais si. Mais tu vas nous arnaquer là. Vous avez des micro-casques, vous avez des trucs. Ouais. Tiens, prends ça. Moi j'écoute. Voilà, le boomerang, il est ici, mon ami. Impeccable. On y va. Attention, nous sortons donc du studio. Tous les auditeurs sont dehors. Oui. Et je perds mon pantalon, mais ça, tout le monde. Moi aussi, je le perds, le et mien pourquoi du coup. Vous perdez vos pantalons? Parce que j'ai pris un pantalon, j'ai un peu maigri, comme tu peux le voir, et j'ai sans ceinture. Ah oui, ça y est, t'as l'arrêt. Voilà. Et pourquoi vous avez enlevé la ceinture? Bah, parce qu'elle est un peu en cuir, la ceinture. Et alors, que bas de l'eau sur du Julie, cuir, c'est parce qu'il moins fait fort, bon nous allons sortir. Excuse-moi. Et nous allons donc Nous allons donc... Bonsoir le public. Bonsoir. Bonsoir. Et nous allons donc... Pardon, excusez-moi. Pardon, monsieur. Bonsoir, madame. Et nous allons donc faire le boomerang du seau d'eau dans la gueule. Alors, pour faire ce boomerang du seau d'eau dans la gueule, le principe est extrêmement simple. Ouais. C'est un Jacadi, puisque c'est Jacadi, qui va choisir entre Pietre, Guéguette, ouais. Julie, ouais. Moi... Oui. Et c'est tout. Bon. Ouais, c'est oui, ça. C'est ça. Et c'est bon. Appelez-moi un Jacques, mademoiselle. Oui. Oui. Mathilde. Ah, et Loris le fait pas. Oui, Loris, il filme, c'est lui qui fait le boomerang. Ah, ouais, ça y est. On avait déjà des filmeurs. Attention, on appelle un Jacques. Voici le jeu du Jacques a dit. Jacques. Allô. Oui, bonsoir. Vous êtes Jacques. Oh là là. Oui. Bonsoir, je m'appelle Coé, on est sur Énergie. Comment allez-vous, Jacques? Coé de la radio. Oui, bah merci, on est sur Énergie, on est oui, sur Énergie. Oui, Coé. Ouais. Alors, oui, ça va, merci. Alors, je suis, alors, enchanté aussi. Je suis avec toute l'équipe. On est dehors. On a du public. On a tout ce qu'il faut. Mais le principe du Jacques a dit, c'est que maintenant nous allons filmer et vous allez déterminer vous dans cette équipe qui entre Julie, moi, Coé, Pietre ou Guéguette. Retenez bien ce nom. Guéguette. Guéguette. Oui, Guéguette. Okay. Ou Pietre. Ou Coé. Ou Julie. Non, Coé. Qui va donc se prendre un petit seau d'eau dans la gueule à 21h55. Et c'est vous qui dites, puisque c'est le Jacques a dit. Jacques, je vous écoute. À savoir que c'est l'émission. D'accord. Eh ben. Pourquoi moi, j'entends pas. Oh, ben moi, je ne vais pas faire de. Ah, c'est lui, c'est pour lui. C'est pour lui. Comment dire je ne vais pas faire de jaloux. Comment ça? Je crois que ça va être toute l'équipe. Ah non, ça marche pas. Ça marche pas, il faut dire un prénom. Il a dit Guéguette. Il a dit Guéguette. T'as pas de casque. Il y a pas de casque. C'est pour toi, mec. Non, Jacques a dit toute l'équipe. Non, Jacques, vous n'allez pas faire tout le monde. Jacques, pas toute l'équipe. Comment, Jacques, vous dites tout le public? Non. Alors... Il y a Guéguette. Ah, Guéguette. Et voilà, et c'est tout. Non, les gars, et Pietre. Bon, et ben Jacques, on va le. Bah, ok, mais c'est. Parce que c'est le Jacques a dit. Franchement. Chacun son tour. Et... Merci. Comment ça, chacun son tour. Merci, Jacques. À bientôt, je vous embrasse, Jacques. Non, tous ensemble. Hein. Ah, oui. Ah non, si, si chacun son tour, ça fera des beaux. Ça fera des beaux boomerangs. Non, mais on n'aura pas assez d'eau, là. Non. Ah non, vous êtes sérieux? Si, si, on se le fait ensemble. Ah bah, je donne ma place à Julie. Ah bah non, attends, ça va. Non, on va se mettre derrière Julie. Ah non, les gars. Ça t'arrend pas. Ah non. On le fait tous ensemble, on est une équipe ou pas? Faut qu'on lâche tous les micros. Attendez, si on le fait tous ensemble, attendez, j'ai deux, trois trucs techniques importants. Qu'est-ce qu'on peut garder? Qu'est-ce qu'on doit enlever, monsieur? Les micros surtout. Bah attendez, j'enlève mes petites chaussures. Ça vous dérange pas? Voilà. J'enlève très bien. Je vais donc c'est tout le monde. Est-ce que Jacques? D'où t'enlèves tes chaussures, toi? Comment? Pourquoi t'enlèves tes chaussures? Et pourquoi j'en les enlèverai pas? Non. Mais on te verra plus si t'enlèves tes chaussures. Ah ouais, toi si t'enlèves tes chaussures, tu vas sous le bitume. Ouais, on s'en fout, allez. Eh non, mais tu veux pas faire une répète du go parce que si tu le rates, on est mal. Venez. On se met là, d'accord. Alors nous allons donc terminer cette émission. J'ai des kilomètres derrière. Ouais, ben moi aussi j'ai des kilomètres, d'accord, monsieur. Toi t'as des kilomètres au compteur, ça a rien à voir. Alors, on est en position. Est-ce que tu as une belle image d'abord? Parce que tu es devant la lumière. Vous êtes devant la lumière, les amis. Vous n'aurez pas un bon moment. Pousse-toi, toi. Alors, attends, les micros, on va les enlever au dernier moment. Ne le faites pas. T'es un peu loin, toi. T'es à peu près. Hein. Pourquoi t'es si près que ça, toi? Attends, t'as une tête. Je sens pas du tout. Poussez-vous de la lumière. Voilà. Merci beaucoup. Et qu'est-ce qu'il y a encore qui va pas? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? T'es loin. Bah, rapproche, mets-toi là. Ça marche, là. Mais le boomerang, on s'en fout, tu l'as avec ta caméra. Oh là, excusez-moi. Ah. Le rate pas le boomerang, Loris. Hein. Alors, Loris, fais un essai de lumière. Fais un essai de lumière parce que le boomerang qu'on est en train de faire, c'est pour vous. Arrête-toi. Alors. Donc, il l'envoie à quand le. Pourquoi tu le sens mal? À 3, 2, 1. Attends. 3, 2, 1. Mais les gars, vous mettez pas. Laisse-leur le temps de faire 3, 2, 1. Go, ils vont faire comme ça. On le fait sans eau pour l'instant, on juste l'image. Ah, on le fait sans eau, d'accord, ça va être passionnant pour les gens qui nous écoutent. Bon, lâche-moi, toi. Non, mais tu vas partir, je sais que tu vas partir. Alors, attends, 3, alors ne le faites pas, 3, 2, 1, go. Oh là là, on est mouillé. Ah, elle est pourrie ta lumière, mec. Elle est pourrie. Elle est pourrie. Pousse-toi, toi, parce que vous gâchez. Vous voulez pas la ravancer, là. Regardez, on va se ravancer. Ah, il faut tout faire dans cette équipe. Voilà, une bonne équipe de branlots. Hein. Une armée mexicaine. Hein. Ah, voilà. Là, tac. Êtes prêts ? Qu'est-ce qu'il y a, Julie ? Il y a personne qui peut faire un slow motion en même temps. Un slow motion, bah écoute, on appellera Steven Spielberg plus tard. Te mets pas devant le phare, toi. Il va engueuler tout le monde. Allez, pourquoi tu me tiens ? C'est bien parce que tu vas t'en aller. Alors c'est là-dessus que je vous souhaite une très belle nuit. Il est l'heure ou pas ? On va rendre un peu en avance, hein. On va rendre un peu en avance. Ah, une voiture sort. Ah, mais c'est pas lui qu'elle éclaire. Mais qui c'est qui sort à cette heure-là ? Qui c'est qui est ? Laissez passer un peu. C'est qui ? On connaît ? C'est qui ? C'est qui ? Je ne sais pas. Je ne connais pas cette dame. Qui êtes-vous ? Non, non, non, non, non, non, non. Il y a des gens en Chine, ils n'ont pas laissé passer des chars, c'est pas une Audi qui va me passer dessus. Hein. Allez, allez-y, va, allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Attends, aïe ! Non, je déconne. Elle ferme sa fenêtre, elle n'a pas confiance du tout quand même, t'as remarqué ? Bon, allez, on, alors on en était où ? J'étais là-bas dans le studio, moi. Alors j'étais là, bon. Allez, on va se remettre. Chut, il y a les gens là-bas qui gueulent. Pardon, madame, vous allez pouvoir dormir dans 5 minutes. Allez. Un essai à blanc pour la lumière. Mais tu vas nous faire chier avec ton essai à blanc pendant une heure. 1, 2, 3, plouf. Oh, t'es relou. Passe mal. Voilà. Ah, mais t'es trop loin. Je comprends pas pourquoi tu te mets si loin. Vous êtes prêts ? Attendez. Go. 3, 2, 1, go. Putain, mais pourquoi on fait ce jeu de débile ? Guillaume, je te souhaite une belle soirée. Voici donc le boomerang de On s'en prend dans la gueule. C'est cadeau. C'est pour toi. Là, tu peux reculer le micro maintenant parce que ça tient, ça prend l'eau ou pas ? D'accord ? On y va ? Allez. Attendez. Mais attendez quoi ? Non. On a dit 3, 2, 1, tu fais 1, 2, 3. Non, arrête Boris. On a dit 3, 2, 1, go. C'est pas 3, c'est 3, 2, 1, go, pas 1, 2, 3. Allez, à go, tu le fais. À go. Putain, il est relou, Loris. Sans déconner, faire un boomerang si ça prend autant de temps que ça. De allez, tenez-vous prêts. 2, 1, go. Il l'a raté, je suis sûr qu'il l'a raté. Qu'est-ce qu'il y a Julie? J'ai juste tout pris. Ah bah je... Non. Tout pris. Moi aussi j'ai le juste tout pris. Eh bien, bienvenue. Je l'ai raté. Le juste prix est de... Et bon, c'est là-dessus qu'on va vous souhaiter une belle soirée. Je suis trempé de partout. Arrête, tu t'en sors bien, salope. Mais arrête, il y a des gens qui dorment. Fais pas câlin. Comment ? Je suis toute mouillée. Bah justement, j'ai pas envie, je suis pas du soir non plus. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne nuit. On va revenir demain. Parlez moins fort, il y a des gens qui dorment depuis 19h30. On est dans le 16e arrondissement de Paris. Vous savez que ça dort très tôt ici. Je vous embrasse, Guillaume, je te laisse. Qu'est-ce qu'il y a, Julie ? T'es trempé ? Coquine, va. Allez, bisous, à demain. Au revoir tout le monde, ciao, bonne nuit. Koé revient demain dès 19h sur Énergie. Pendant 2 heures, tout le monde est réuni dans Guillaume Radio 2.0. De 22h à minuit sur Énergie. Alors on y va sur Énergie, les 22h02. On se retrouve, il est 22h jusqu'à minuit hein, sur Énergie, les dernières heures de la journée. J'espère que vous avez passé une bonne journée, les gars, en cours et tout ça. Ou au boulot, on se fera Zao tout à l'heure, on se fera MHD aussi. Et on se fera Snake. On sera Snake avec Justin Bieber, on sera Soprano. Je sens que je vais briller, ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer, regarder d'un hublot. Si tu me croises VM, si tu me parles. On sera Gims et Joe. Je garde la poids, je suis le chasseur de la poêle. Ça va être toi, seul je vais finir ma soirée. C'est tous les plus gros hits sur Énergie. Bonne nuit les mecs, en tout cas soyez les bienvenus hein. Il est 22h03, du coup on est en direct. Si vous voulez venir avec nous, vous êtes à la maison, le standard est allumé. Vous pouvez balancer un petit message en direct hein, par texto juste en commençant le texte par Guillaume, le texto Guillaume et votre message ensuite au 6 11 12. Si vous voulez balancer un message à l'antenne dédicace à mon papa, à Thomas et à Augustin. Salut Fallon, gros bisous à toi, c'est qui le papa. Salut Kenny du 60. Les week-ends sont longs sans vous, mais quelle joie de vous retrouver à 22h. Je vous aime, salut Amandine, 27 ans, sous-main, gros bisous. Le titre de Lady Gaga, Perfect Illusion, gros bisous. Le retour des meilleurs, Alan du 60. Coucou, dédicace à mon papa, à Thomas et à Augustin de Fallon. Dédicace. Pourquoi vous faites plus que 2 heures? Je vous kiffe. Salut Mohamed et Abdel sont. Il y a plein de messages qui arrivent. Si vous voulez balancer les dédicaces comme Momo et Abdel, il n'y a pas de problème. Hein. Guillaume et votre dédicace au 612. Vous me remontez le moral que je n'ai pas ce soir, Jessica de Doha. Les dédicaces, hein, 6, 11, 12. C'est le numéro auquel il faut l'envoyer. Ça va, JM du standard? Salut Guillaume, ouais, ça va au taquet. Ouais. On parle de Jules, ça va, Julien Stagiaire? Ouais, ça va très bien, Guillaume, salut tout le monde. Ça va, Julia? Salut Guillaume, salut tout le monde. Bonsoir tout le monde, bonsoir Flo des cadeaux. Salut Guillaume, salut tout le monde. Salut Guillaume. Des stories de fou, mais j'avoue que moi je l'aime tellement la nuit. On s'y donne rendez-vous, on rigole, on est fou, on fait pas. Allez, c'est ici que ça se passe, les gars. Première radio France à partir de 22h hein, jusqu'à minuit. Si vous voulez venir avec nous rigoler, bah, vous êtes à la maison. Il y aura Charlie Poot, il y aura Alonso, il y aura Snake, il y aura. Il y a toutes les nouveautés de toute façon ici. Hein. Puis il y a Samy qui est là aussi, qui est arrivé d'Argenteuil. Bonsoir Samy dans le 95. Allo Guillaume. Ouais, vous allez bien. Salut. Ça va ou quoi, il est où Samy? Il est où Argenteuil. Il est où? Ça va ou quoi? Tranquille, Samy? Bah ouais, toujours. J'ai la chaise qui couine plus que celle de ma grand-mère. Mets de l'huile. Oh là là, putain, là, ah l'ancienne. Ouais. Bon, ça va ou quoi? C'est toi qui as inventé l'imitation de vitesse différente sur ton GPS et sur la route en même temps. Exactement. Non, alors raconte-nous la boîte qui pue. Ouais, j'ai envoyé le surstreaming. J'ai ouvert une boîte de surstreaming dans tes PMP tout à l'heure. Nabila est parti en courant. Michel Larocque et Pierre Palmade aussi. Ouais. Qui a vomi alors? Personne n'a vomi. Mais Jean-Michel Maire était mal dans les coulisses. Ouais. Ah, il a tout pris. Ouais. Ouais. Il était mal de marre. Mais j'en parlerai demain. J'ai des vidéos. Hâte de retour, le meilleur animateur de radio. Salut Cyril du 84, c'est gentil. Ça fait longtemps, Hugo. Salut Hugo. Tu liras pas mon SMS, voilà qui a raté. Bonsoir à tout le BTS NRC du 78. Salut les mecs, BTS NRC, y a pas de problème, on vous embrasse aussi. Je vous ai attendu tout le week-end, et bah voilà, du coup, c'est reparti. Comme tous les lundis soirs, on fera le jeu avec les faits divers de Flo des Cadeaux tout à l'heure, qui nous racontera 10 faits divers. Faudra savoir lesquels sont vrais, lesquels sont faux. On le fera tout à l'heure. Et puis Samy, on a des cadeaux, on a la blague de JM du standard aussi. Ouais, bonne blague, Guillaume. Samy, est-ce que tu trouves que les blagues de JM du standard sont bien, moyennes ou nulles? Hein, Samy? Ah, il cherche. D'Argenteuil. Ah, nul, nul, nul. Ça va, bah attends. Ah, l'agression pourrait être là pour la prochaine. Salut. Ça, tu me diras si elle est nul que ça. Salut, bonsoir à toute l'équipe. Je vous écoute depuis ma chambre d'hôpital. J'espère qu'on va rigoler. Je t'embrasse très fort, poteau. Bon courage à toi. Si tu veux balancer un petit message pour passer à l'antenne, tu me le dis. Tu me lâches ton numéro, puis je t'appelle. Petite dédicace de Corse aussi. Salut à vous deux. À vous, aimé Pitos. D'accord, ok. Salut, vous avez manqué durant ces deux jours. Un vrai plaisir de vous retrouver. Salut, mon Florian de 37. Putain, nous aussi, ça nous manque de pas être là le dimanche. Ouais, putain, en plus le dimanche j'étais au bureau hier, je travaillais, je prépare un petit peu la semaine là et je me disais putain, ça me manquait, je voyais tous vos tweets, etc. Je disais putain, ça me manque vraiment là. Salut cheveux verts, c'était énorme sur streaming dans TPMP, gros bisous à toi et je t'embrasse très fort, merci. Ouais. Et ça va être énorme et encore plus énorme, Flo des Cadeaux tout à l'heure avec son jeu des vrais ou faux faits divers. Ça va être énorme, la blague de JM du soir. Énorme, c'est énorme, énorme, le jeu des hôtels ce soir. Ouais, tout. Le trou de balle de GSG. Ah, il est prêt, il est là. Voilà, bon, et puis tout qui sera énorme. Enfin, je peux dire, Samy, déjà énorme mec. Hein, énorme mec. Et prénom. Il arrive, il installe hein, direct. Bon, mon Samy, qu'est-ce qui t'arrive alors? Alors, moi, j'avais une petite histoire de soirée à raconter. Ouais, une histoire de soirée. Ah, ouais. Oula. Alors, en fait, moi, j'ai un petit ref. Il a 17 ans maintenant, ouais. Ouais. Ça, ouais, il va sur ses 17 ans. Ouais, il a fait une petite presso tranquillou à la maison avec ses entre guillemets poteaux. Très verlan ça. Ah ouais, ouais, Frézéro, voilà. C'est on a MHD au téléphone. on a l'écrou. Non, mais c'est bien, t'as raison, mais il y en a beaucoup qui parlent comme ça. Ouais, de En vrai, c'est pour la blague avoir de JM du standard. Je suis le chasseur de la poire. Ça va être toi. Je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je fais ma soirée. Croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui tout bataille, hier ça a tiré. Y'a personne dans le quartier. J'ai tourné tout seul comme un fou dans les rues de Marseille. Je vois les gens essayer d'en tirer. Ah là, mon Samy. S-A-S-A-M-Y, ouais. Je fais de la pom-pom girl quand t'arrives à la radio. S-A-M-Y. C'est Samy ou quoi? T'as une meuf ou t'es seul là? Non, plus maintenant. Oh. Bah, il y a le vie. Il a enfin rencontré l'amour. Elle est comment? Elle s'appelle comment? Non, plus maintenant. Ah, c'est terminé. Ah, c'est ton ex. Ça, puis en plus, moi, je mets une musique. Exactement, c'est tu l'as dégagé. Ouais, c'est l'ex. Ouais, c'est ça arrive. Pourquoi c'est l'ex? Quelle était la raison de ce licenciement là? Elle parlait pas en verlan. Ouais. C'est peut-être pas de bonne blague d'ailleurs. Je suis fier de toi depuis tes premiers pas. Grandis trop vite. T'as grandi trop vite. Même le face m'a fait de la trappe. Ouais, alors, la session d'assaut, là. C'est bien, c'est un. C'est marrant, quoi. T'écoutes quoi, Samy, d'ailleurs? C'est quoi ton petit délire en ce moment, là, quand la musique? T'écoutes quoi? En ce moment, bah, moi, je mixe de la techno en ce moment. Ah ouais, d'accord. La techno. Ah ouais, t'es vraiment dans les années 90. Tu parles en violon, tu mixes de la techno. Non, mais c'est vachement bien. Ça marche toujours, ça. Non, mais c'est vachement bien. Techno un peu à l'ancienne, tu reviens en arrière. Non, ouais, même si se fait actuellement, en vrai, la techno, ça revient beaucoup en ce moment. Ouais, carrément. Techno House. Ouais, techno House. Ouais, voilà. Super. Non, mais t'as raison. Ah, JM du standard, 22h09, avant de parler de la techno. La techno House de Samy. JM du standard, 22h09, c'est la blague tous les soirs. On est là de 22h à minuit. Mon standard dit JM du standard fait une blague par jour, 22h09, c'est l'heure. Il est l'heure, monseigneur, de faire la blague. Elle est bonne ou pas aujourd'hui? Je l'ai faite samedi soir, Guillaume, ça rigole. Après, je peux pas dire qu'elle est bonne. Oh là là, tu sais, à chaque fois, je me porte l'œil. Il reste 5 secondes, allez. Vas-y, commence à 22h09, c'est le principe. Allez. Donc c'est l'histoire d'un mec du sud qui est super beau gosse, quoi. Tu vois, le mec c'est DiCaprio. Il est avec un pote à lui dans un bar et son pote il lui dit: oh, t'as vu comme t'es beau, tu dois les enchaîner les filles. Et le beau gosse il répond: eh non, je suis trop con, dès que j'ouvre ma bouche je gâche tout, j'arrive pas à m'en faire une. Et là il y a une fille de blonde magnifique aux yeux bleus qui rentre dans le bar et elle va aux toilettes, tu vois. Elle passe devant le beau gosse, elle est choquée par la beauté du mec et tout. Son pote il lui dit: oh, t'as vu la bombe qui vient de passer, dès qu'elle sort des toilettes tu vas lui parler. Et là le beau gosse il dit: eh non, je vais encore tout gâcher, tu veux que je lui dise quoi moi? Et là le mec lui dit: bah, tu lui dis, vous avez les yeux bleus comme la mer Méditerranée, les cheveux blonds comme le soleil de Provence, et tu enchaînes quoi, tu te laisses guider, tu fais des compliments. Alors la fille elle sort des toilettes et tout, il va la voir, il fait: excusez-moi mademoiselle, vous avez les yeux bleus comme la mer Méditerranée, les cheveux blonds comme le soleil de Provence. Et là d'un coup le mec il se met à paniquer, il sait plus quoi dire. Et là d'un coup il fait: et c'est pas toi qui viens de chier? C'est grand, grand, grand. Ah, je sens que je vais briller. Ce soir, je marche sur. Ah ouais, c'est all pour un. C'est grave, ça doit être autre chose. C'est gratos. C'est gratos. Ah ouais, d'accord. C'est. Ah ouais, okay. Non, mais... Qu'est-ce qu'il y a pour le cadeau? Les deux pieds dedans, quoi. Il y a là, c'est du. Ah ouais. Là, c'est du. Je sais même pas quel humoriste. Personne. Ah, même Bigard, il serait choqué. Ah ouais? Ah oui. Ah, c'est une blague humoriste. Ouais, ouais, le plus. Ah, c'est une blague, tu l'as volé à quelqu'un, en fait. Ouais, un peu. C'est qui? C'est un inconnu, Bigard, qui l'a fait. Ah, j'ai dit même Bigard, il serait choqué. Ah, il a fait Bigard, c'était limite, c'était limite pour Bigard déjà. Il a hésité. Il s'est peut-être trop violent pour moi, là. Ah, putain de merde. Alors, Samy, S-A-M-Y. Alors, d'Argenteuil. Donc, c'est pas toi qu'on a vu, d'ailleurs, c'est pas toi qui ouvre la bouche dans une vidéo de Jackie Michel, là. Exactement. Tu m'as reconnu? Allez, première radio de France, c'est bien, ça se passe ici. 22h à... Pas si filmé, c'est pas grave. Ouais, mais bon, j'ai pas filmé. 22h à 22h à minuit, hein, dernières heures de la journée, là, pour se retrouver ensemble. Je vous ai mis une vidéo énorme sur ma page Facebook, si vous avez deux secondes. C'est la vidéo avec une peluche poulet qui pointe sur une peluche cochon. Allez, je vous jure, racontez comme ça, c'est la grosse merde. Franchement, vous allez la voir, vous allez rigoler à mort. Vous êtes déjà 150 000 à l'avoir vue. Merci, ouais. Merci beaucoup. En quelques minutes, là, voilà. Et déjà, 155 000, c'est beaucoup. Hein. Ouais. Ah non, et par les temps qui curent, c'est un autre but. Bon, mon Samy, qu'est-ce qui t'arrive alors? Explique un peu. T'as eu un truc neuf que t'as pas eu la chance d'utiliser, c'est ça? Parce que t'avais des PS4. Exactement. Donc en gros, j'ai travaillé tout l'été et tout ça, je me suis fait un peu d'argent. Et j'ai voulu faire plaisir à mon frère et faire plaisir aussi à moi. Ouais. J'ai un peu craqué, j'ai acheté deux Play 4. Ouais. Une pour lui, pour moi, comme ça. Quand j'ai envie de jouer tout seul, il ne me prend pas la tête et c'est plaisir, tu vois. Et donc du coup, histoire de soirée, je te disais, il a fait une soirée chez moi, du coup, avec ses potes et tout ça. Et du coup, il allait se laver, je sais pas quoi, non, il va se laver, il sort. Et il m'a dit que quand il est sorti, il n'y avait ni ses potes, ni nos Play 4. Ah ouais. Allez, vous êtes fait voler les trucs à la maison, quoi, à domicile. Bah ouais. Ah, moi, ça m'énerve, c'est sévère. Bah, ouais, oui. Moi, j'irais les chercher, les mecs. Hein. Pourquoi tu nous as pas appelé les mecs et les familles ou quoi? C'est ce que je me suis dit, tu vois, j'étais vénère quand même. Les 800 euros, ça fait mal au cul. Ah, bah oui, on est d'accord. Hein. Et, non, mais même si. Attends, moi, on me vole une petite cuillère chez moi, je vais retrouver le mec. C'est fait une chasse à l'homme. C'est le principe, t'invites un mec chez toi, il est voleur. Un truc qu'on me vole chez moi à domicile, je prends ça pour un viol. Hein. Ah, oui. Non, mais vraiment. Ah, non, mais vraiment, non, mais je rigole pas. À la console, j'avoue. Ah, moi, tu me voles un truc chez moi, je t'invite. Et j'apprends que tu m'as volé un porte-clé, une clé USB. Ah ouais. Non, mais je préfère qu'il me demande et je lui donne que j'apprenne à quelqu'un qui vole quelque chose chez moi, c'est terminé. En plus, c'est un ami, soi-disant. C'est le meilleur ami qui me vole une clé USB, c'est terminé pour moi. Non, je rigole pas. À partir du moment où tu voles quelque chose, c'est que c'est pas un ami, quoi. Ouais. Ça peut être un emprunt. J'ai un stagiaire, il y a quelqu'un, il a volé sa virginité. Non, il a pas vu sa capsule. Ah non, je la donne. Ton trou de balle, il est parti. Arrête, s'il te plaît. Ton trou de balle, il est parti au paradis. Ça va pas. C'est quoi cette phrase déjà? Ton trou de balle, paradis. Non, sa virginité, partie au paradis. N'importe quoi. Non, tout va bien. Julien, t'as déjà volé un truc chez toi? Non, pas du tout. Mais moi, j'ai un problème, j'ai un syndrome, c'est que je vole tout le temps les chargeurs de portables de mes potes. Mais sans faire exprès. Je les embarque. vois, sans faire exprès du tout. C'est extrêmement énorme. C'est quoi, il vient d'apparaître un truc sur l'écran, protocole error verified. Oh là, c'est la NASA là. C'est assez rare que ça apparaisse. Voilà. Samy nous a fait sauter le truc. Et tu voles les téléphones, c'est énervant les mecs qui veulent les charger. C'est insupportable. Ah ouais. C'est comme les mecs qui te volent les stylos à l'école. Ouais. Ah ouais. Au bahut, putain, qu'est-ce que c'est chiant. J'aime le standard. Ça s'appelle les kleptomanes, Guillaume. Non. Bah, c'est un voleur. Un kleptomane, c'est un truc en général. C'est quelqu'un qui aime voler. C'est la maladie de voler. J'ai un stagiaire, toi, t'es. Est-ce que pareil que Samy, c'est déjà arrivé d'avoir un truc. T'es revenu, Samy, un bug. Ouais, ça a coupé. Est-ce que vous avez déjà eu, comme Samy, un truc neuf que vous n'avez pas eu le temps d'utiliser ou la chance d'utiliser? Moi, par exemple, dans ma famille, le mec de ma sœur, avec ma sœur, ils ont mis 15 ans à économiser, ils se sont acheté une voiture et on leur a volé le soir même. Ah merde. Enfin, une Audi 80.